Bonjour ou bonsoir, bien entendu, tout dépendant à quel moment vous allez écouter l'enregistrement présent. Aujourd'hui, pour une première fois, je vais avoir une discussion en compagnie de Julie et c'est une première pour elle. Donc ici, David au micro en compagnie de Julie. Donc ça va bien, Julie? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien. Donc, aujourd'hui, ça va être l'occasion de briser la glace pour une première conversation et pour te présenter à mon public, parce que ça fait quand même là, plusieurs mois que, bon, sur Facebook, une fois de temps en temps, tu vois commenter là, les enregistrements que je produis. Donc, puis je sais que tu vis également un cheminement de conscience là, depuis un certain temps. Donc, je pense que ça peut être intéressant de parler un petit peu ensemble là, de ton cheminement personnel qui t'a amené, entre autres, à t'intéresser à la conscience supramentale. Comment je suis arrivée là-dedans? Je pense que ça a commencé à arriver dans ma vie, puis qu'après ça, ma vie s'est arrangée pour que je m'en rende compte. Vraiment, le supramental, admettons, le principe, les mots, le vocabulaire, ce monde-là, je l'ai découvert en faisant des recherches. J'avais des questionnements à propos de quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance qui m'a toujours laissé perplexe. Il m'est arrivé quelque chose qui m'a toujours paru être un rêve, mais en vieillissant, je me suis demandé si c'était vraiment un rêve, finalement. Puis, je vais faire des recherches sur Internet. OK, ben, oui. tant qu'à y faire allusion, je pense que ça pourrait être intéressant pour que les gens nous écoutent sachent de quoi tu parles. De quoi il s'agit? Je ne sais pas si je suis à l'aise de dire ça. C'est un rêve que je pense avoir fait quand j'avais 4-5 ans, mais qui est très spécial. Puis, pour savoir si j'ai-tu rêvé, c'était-tu réel, je vais essayer de voir s'il y a des gens qui décrivent une genre de situation comme ça sur Internet à quelque part. Puis, dans le fond, ça m'a amené à tomber sur une émission de Richard Glenn qui décrivait sa première rencontre avec Bernard de Montréal. Mm-hmm. Richard Glenn, je savais c'était qui, grosso modo, mais Bernard de Montréal, j'avais jamais entendu parler de lui. C'était la première fois que je le voyais, que je l'entendais. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est en cherchant des réponses à ça que je suis tombée sur lui décrivant sa rencontre avec Bernard de Montréal. Puis disons que les circonstances de leur rencontre ressemblaient à ce que j'ai vécu ou rêvé enfin. Oui, ben tu sais que tu n'es pas la seule à faire des rêves particuliers. Et puis moi-même, lorsque j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'ai rêvé que j'étais observé, entre autres, par des êtres qui s'apparentent là, à des descriptions qu'ont fait là, certains expérienceurs des petits gris, là. C'est-à-dire des êtres avec des grands yeux qui... Moi, je me sentais fixé dans ma chambre et ces êtres-là m'apparaissaient là, étant, dans le fond, de structures humanoïdes blanches. Et c'est arrivé à plusieurs reprises et j'avais parlé de ça à ma mère lorsque j'étais jeune. Mais tu sais, les gens peuvent dire « Ah, c'est un enfant, il y a une imagination débordante. » Sauf que le problème, c'est que plusieurs années d'après, où le lieu où était ma chambre. Eh bien, suite au décès de mon père, j'ai changé d'endroit où se situe mon lit, puis ma mère également. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elle a expérimenté à un moment donné la même situation que j'avais connue, c'est-à-dire se sentir fixé par un regard extrêmement puissant alors qu'elle était dans son lit. Et elle n'a pas aimé naturellement l'expérience, donc elle a eu l'impression de percevoir une entité. C'est sûr que avec les informations que j'ai cherchées par la suite en lien avec l'ufologie, j'ai interprété que ça pouvait être un extraterrestre. Par contre, le point, c'est que c'est peut-être pas nécessairement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai perçu une présence, elle aussi. Fait que là, à ce moment-là, par rapport à l'endroit spécifique, je me suis dit, coudonc, c'est pas juste le fruit de mon imagination. Je ne suis pas tout seul à avoir eu cette perception-là particulière. Et c'était à plusieurs reprises, cette perception-là a été très traumatique. Et c'est sûr que certaines personnes qui vont dire « Ah, ben c'est le cerveau qui, quand il est jeune, ça peut occasionner le phénomène de la paralysie du sommeil. » Puis, bon, je me sentais paralysé dans mon sommeil, c'est-à-dire que je me sentais incapable de bouger alors que j'étais dans mon lit. Et j'avais peur. Je vibrais beaucoup à la peur sous ce regard. Je me sentais pénétré. C'est comme si on me violait psychiquement. Et c'était très désagréable comme sensation. C'est comme si un être extérieur à moi prenait le contrôle de moi puis m'auscultait, me scrutait. C'était très désagréable. Aujourd'hui, avec la conscience que j'ai, je serais dans un phénomène d'opposition psychique par rapport à ce que je perçois, en m'appuyant sur le principe « la pensée vient d'ailleurs ». Mais l'expérience que j'ai vécue a été traumatique. J'ai vibré beaucoup à de la peur. C'était comme si je voulais me réveiller puis je n'étais pas capable. Donc, ça a été très émotionnel. Là, je vais arrêter de parler parce que c'est sûr que l'objet de la discussion aujourd'hui, c'était de parler par rapport à ton cheminement personnel qui t'a amené à t'intéresser à la conscience. Mais je voulais quand même faire une petite parenthèse pour partager ben, mon moi, vécu. Moi, je te dirais que dans le fond, je vais le raconter. Là, ce que je ne sais pas si c'est un rêve ou un événement que j'ai vécu. Puis moi, c'était pas... c'était spécial, mais c'était pas terrorisant. En tout cas, ils ont su me rassurer. Le rêve ou l'événement, c'est que c'était dans une fête de famille, là, une épluchette de Bledogne qui se passait chez nous au mois d'août. Il y avait plein de gens, on était dehors, derrière la maison, une magnifique journée ensoleillée. Et puis, à un moment donné, tout le monde est comme tombé sur pause. Plus personne bougeait, plus personne parlait, tout le monde a vraiment figé dans le mouvement qu'il était en train de faire. Puis, il y avait juste moi qui bougeais. Puis, j'ai vu des êtres. Moi, c'était des belles, grandes personnes blondes, jeunes, qui se ressemblaient beaucoup. Dans mon souvenir, il y avait comme des vêtements argentés. Ils se ressemblaient tous. Ils étaient tous grands, minces, blonds, assez jeunes. Puis, il y en a un, par la pensée, qui m'a dit... Qui m'a dit dans ma tête de pas avoir peur. Ça, mon souvenir s'arrête là. Puis, tu sais, au début, j'étais comme perplexe, un peu apeurée, mais pas tant que ça non plus. Puis, dans mon souvenir, quand il me dit ça, même si je trouvais ça bizarre qu'il me le dise pas avec sa bouche, ça m'a comme apaisée puis rassurée. Puis, mon souvenir s'arrête là. Je sais pas si quand j'étais plus jeune, il était plus long que ça, mais... C'est le souvenir que j'en ai ou rendu là, je ne sais même pas si c'est le souvenir de ça ou c'est le souvenir du souvenir, mais en tout cas. Oui, parce que mais c'est bref, sûr que. Ça me questionnait. Oui, oui. Pardon? Oui, oui, bien, c'est sûr que la problématique, c'est qu'avec le temps, plus que l'événement passé date de longtemps, plus que de chances que la mémoire déforme la nature de l'événement, ouais, étant donné que d'autres ça, informations qui entrent dans le canal. C'est ça. Puis moi, ce qui m'a questionné il y a quelques années. Oui. C'est le bout. J'ai de la misère à imaginer qu'à l'âge que je pense que j'avais 4-5 ans, j'ai rêvé à de la télépathie parce que je pense pas que c'est un concept qu'un enfant peut imaginer. Puis surtout pas comme je l'ai vécu. J'ai l'impression d'avoir vécu pour vrai ça. Tu sais, c'est. J'ai de la misère à penser que l'imagination d'un enfant peut créer ça, que dans ton rêve, quelqu'un te parle par télépathie. Surtout à cet âge-là, je me rappelle pas avoir été en contact avec un film ou quelque chose qui aurait pu me parler de ce concept-là qu'est ouais, la télépathie. Oui, je comprends. Fait que c'est pour ça que je me dis, j'ai-tu rêvé ou j'ai vécu ça? Puis là, ben, en faisant des recherches... sur ça, une situation où tout le monde est comme paralysé, dans le temps il est arrêté, comme je ne sais pas quoi. Puis là, c'est ça, c'est là que j'ai découvert Richard Glenn qui raconte son souper autour, son le repas autour d'une table avec plein de gens, puis là, avec Bernard de Montréal assis devant lui, Puis là, tout le monde tombe sur pause, sauf ces deux-là. Puis quelqu'un arrive, tout ça, là, j'ai fait, ouais. Pour moi, j'ai pas rêvé, mais en tout cas, en même temps, ça n'a pas répondu à mes questions. Mais ça a fait, en tout cas, que j'ai vu Bernard de Montréal, qui a piqué ça a piqué ma curiosité. Puis, j'étais allée écouter un enregistrement, un audio de lui. Puis, je comprenais absolument rien de ce qu'il disait. Mais je l'écoutais, puis je me disais, malgré le fait que je comprends absolument rien, je comprends qu'il comprend, puis qu'il a raison. Que c'est ça l'affaire. Je sentais que c'était réel ce qu'il disait, puis c'était une excellente description de la réalité. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai découvert tranquillement, pas vite, le supramentage. Je me suis mis à écouter beaucoup d'audio de lui. Puis là, de lui, ben, je tombais entre autres sur toi, puis tout ça. Puis depuis ce temps-là, ça fait à peu près 2 ans là, que j'observe la vie d'un autre point de vue, puis que j'essaie de. Ben, que j'essaye rien, dans le fond, je chemine là-dedans, là, finalement. T'sais. Si je suis là, ça doit être parce qu'il fallait que je sois là, puis c'est ça. Je chemine là-dedans, puis en ce moment, je suis contente dans la situation qu'on vit là. D'avoir commencé à m'éveiller à ce que je trouve qui est réellement ce qui est la réalité avant que ça arrive parce que Mais là, ça me tu parles de la permet crise du de. coronavirus, là? Oui, exactement, la situation qu'on vit mondialement, là. Oui, bien, c'est sûr que c'est pratique. Quelqu'un qui a été exposé à l'instruction supramentale pour développer une capacité, par exemple, d'être centrique par rapport à l'adversité, d'être conscient que la pensée vient d'ailleurs, de ne pas croire, surtout pour les gouvernements qui peuvent amener de la désinformation, comme les médias alternatifs aussi. Donc, c'est sûr que les bases de l'instruction supramentale sont extrêmement utiles dans un contexte de crise internationale comme on le connaît présentement. Alors, ça, c'est clair. Ouais, puis moi je te dirais que ça m'est utile je sais pas si j'avais pas eu ça, si j'avais pas cru à ça ou j'aurais pas été capable de je pense d'absorber le choc du fait que oui, ça se peut que y a des élites, des gens qui respectent peu l'humanité au point d'utiliser un virus pour installer ce qui semble être une dictature ou on ne sait pas encore exactement c'est quoi le but au bout de tout ça. Mais en tout cas, on le sait pas finalement, là, mais ce qui me semble clair, ce virus-là est un prétexte à installer quelque chose qui n'est pas pour le bien de l'humanité, finalement. Bien, en tout cas, moi, ce que je vois clairement, c'est que tout peut être utilisé comme prétexte pour justifier des mesures qui, autrement, seraient injustifiables. Exactement, Et c'est que, ça. moi, la lecture que je fais de l'événement en relation avec l'instruction supramentale, c'est qu'il y a des forces astrales, donc, qui ont un agenda qui vont à l'encontre des intérêts de l'humanité, qui vont influencer des individus pour, à ce moment-là, les manipuler. Puis les faire vibrer, entre autres, à la peur. Donc, présentement, il y a des entités astrales qui ont intérêt à créer une hystérie mondiale, à amener les gens à vibrer fortement à la peur parce qu'ils se nourrissent des émotions. Puis aussi, quand une personne vibre à la peur, la personne ne vibre pas simultanément à une capacité de mise en puissance, à une capacité de contestation qui permettrait de déloger leur influence pernicieuse. Donc, c'est Mais assez ce qui est subtil. spécial, dans le Oui. fond, ça a toujours été ça, puis Oui, mais là, c'est différent. comme un piège qui se referme, la façon que je vois Ouais, ben, ça. c'est comme un pas de plus. C'est comme s'ils sont de plus en plus gourmands, on dirait. Ils se contentaient par portion, de différentes façons. Tu sais, il y a des pays qui ça va jusqu'à la guerre, la famine. C'est horrible, mais ici, c'était quand même pas si mal, disons, les conditions de vie d'un être humain en Amérique, en Europe. Là, on dirait qu'ils font un pas de plus pour qu'on devienne vraiment mondialement des esclaves, des ressources, puis tuer l'humain dans l'humain, puis c'est comme un pas qui est quand même assez historique, on dirait, qu'ils font présentement, comme tu dis, le monde astral, Exactement, la qui subtilité. influe le monde Des vivants matériel, qui dans le sont fond. inconscients, là, tu sais. Moi, c'est sûr que tu as écouté d'ailleurs mon enregistrement avec mon nom, où on Exactement. a parlé de la crise du coronavirus, puis des fois, on a des divergences, mais moi, la façon que je le capte, c'est que tu as des gens qui sont bien intentionnés. Tu sais, ça peut être des gens qui s'occupent du réseau de la santé, ça peut être des Oui, ça, ben oui, politiciens, certainement, c'est ça. spirituellement, sont bien intentionnés, mais ils n'ont pas une compréhension multidimensionnelle du réel. Puis ils sont influencés par l'astral. Fait qu'à ce moment-là, ces gens-là, malgré eux, même s'ils ne. Participe. C'est ça, participent à un agenda qui les échappe, qui leur échappe. Oui, pour la plupart, mais ils ne sont pas tous dans cet état-là, ça, c'est sûr. C'est sûr que la nuance que je peux faire, ça se peut qu'il y en a, oui, qui sont sincèrement malveillants, mais il y en a d'autres qui sont juste inconscients. Tu sais, c'est sûr que si on prend, par exemple, un médecin. Qui se fait vendre dans un cours à l'université, la vaccination, c'est bon, puis bon, il est occupé, puis il étudie, puis ça prend beaucoup d'énergie pour étudier la biologie et différentes choses. Fait qu'il Effectivement. n'y a pas le temps C'est sûr que d'approfondir. lui, il est pas pour tout remettre en question ce qu'il apprend, tu sais. C'est Dans le ça. fond, on prend pour acquis dans la vie que quand on va à l'école, ce qu'on nous apprend, c'est le meilleur de ce que l'humanité sait, puis il nous relaie l'information, puis c'est normal de pareil comme la politique, on la remet pas tout le temps en question Exact. parce que par principe, la politique, c'est supposé être un groupe de gens élus qui essaient de travailler pour le bien de la population ou du peuple. Donc, Exact. on peut pas, on n'est pas pour passer notre temps à tout remettre en question, mais là, on se rend compte qu'on a tellement jamais remis en question c'est comme si eux, en haut de nous autres, qui jouaient un peu avec nous, ont pris conscience de la facilité avec laquelle ils pouvaient s'installer partout, dans tous les domaines, à tous les niveaux, de toutes sortes de façons, pour nous manipuler, nous faire ce qu'ils veulent. Puis on est Exactement. tellement occupés dans nos petites vies C'est ça. que On n'a pas le temps de c'est voir juste le ça. portrait d'ensemble. Tu sais, c'est un petit peu comme Exactement. le médecin qui est débordé à l'urgence. Il n'a pas le temps de faire la recherche fondamentale sur le bien fondé ou non de la vaccination. Il Non, n'a pas le temps de exactement. s'arrêter par rapport à ça. Il est dans le jus, il y a plein de monde, il y a plein de patients, puis il faut qu'il aille rapidement. Fait que tout ce C'est ça. contexte-là empêche d'avoir le temps puis l'espace de regarder, coudonc, je fais-tu la bonne chose en proposant aux gens d'être vaccinés? Puis il y a toute cette influence-là, tu sais. Puis je te dirais que ça part même de l'éducation dès le primaire. Tu sais, nos enfants, on ne remet pas en question ce qui leur est appris à l'école. On est même toujours du côté de l'école. Aie des bonnes notes, écoute, apprends bien ce qu'on dit d'apprendre, comporte-toi comme on te demande de te comporter. On remet jamais rien en question parce que, probablement, à un certain niveau, il y a de la bonasserie, de la naïveté. Il y a aussi qu'on n'a pas juste ça à faire parce que le fait on dirait que c'est voulu un peu les grosses semaines de travail avec la famille, le 3 heures de lousse qui nous reste, ben on va pas le passer à aller faire des recherches sur Internet puis remettre en question. On n'a pas le temps, on n'a plus l'énergie, le temps. Tout est fait en fonction, puis je trouve que le confinement, le premier confinement en mars, à un certain niveau, je pense que c'est un peu retourné contre eux autres parce que je pense que c'est là que beaucoup de monde ont enfin eu le temps de réfléchir, puis je te dirais, dont moi, à un certain niveau, parce que moi-même, j'étais pris à mon travail, la vie de famille, les lunchs, le ménage, l'épicerie. Le peu de temps qui reste, ben c'est on fait du Facebook, on lit un livre, on va prendre une marche. Puis j'avais pas d'intérêt pour la politique parce que je décrochais complètement parce que je trouvais ça insatisfaisant, mais je prenais pas le temps de réfléchir jusqu'où puis à quel point. Puis là, en ce moment, je suis vraiment en train de faire le tour puis de réaliser à quel point même l'éducation de nos enfants à l'école, l'enrôlement dans un rôle de mouton commence donc bien jeune. Ça m'a permis de réfléchir à tout ça. Ça a eu ça de bon, le confinement, de nous donner le temps de regarder la situation, de réfléchir, de faire des constats. Fait que je pense que si moi, ça m'est arrivé, probablement que ça a fait le même effet sur bien du monde qui, eux aussi, ont des travails prenants, la vie de famille, tout ça, puis qui n'ont pas le temps de penser, eux autres non plus, la ligue de hockey le mardi soir. Puis en tout cas, je pense que ça fait peut-être en sorte que ça a eu le temps de créer une petite gang qui ont le temps de penser, puis qu'en ce moment, se battent pour que tout ça arrête, là. Oui, ben en tout cas, il y a plein de personnes qui font des démarches. Tu sais, si je pense à la fondation qui a été mise en place là, par Stéphane Blais, là, de défense des libertés. Fondation pour les droits du peuple, là, quelque chose comme ça. Exactement. Ouais. Fait que là, lui fait des démarches au niveau juridique avec des avocats. Et puis c'est sûr que ça œuvre le questionnement. Tu sais, le fait que des mesures qui ont été mises en place une par-dessus l'autre, puis là, on en vient à un stade où ce qu'on demande à des enfants de porter un masque pendant toute la journée, non seulement à l'intérieur de la classe, mais à l'extérieur aussi, sur le lieu de l'école, tu sais. Alors que le fait que ça touche à nos enfants, ça l'aide les gens à... Ça les pique un peu plus, là. Ceux qui se disent, bah, c'est pas si grave que ça, c'est juste un masque, c'est temporaire. Le problème, c'est que tout le monde pense... C'est ça, le problème, c'est que le monde pense que c'est temporaire. C'est temporaire. C'est le temps d'un virus, c'est le temps d'un vaccin. Mais je pense pas que c'est temporaire, c'est ça le problème. Non, mais c'est ça. Je pense pas que c'est temporaire, puis je pense pas que ça va aller en s'améliorant si on les laisse faire comme ils veulent le faire, là. Non, c'est ça. C'est sûr que quand on regarde le discours, ah ben là, c'est juste un 2 semaines, puis là, finalement, ben c'est si on regarde le début de la crise au mois de mars, là, quand il y a eu le premier confinement, ils nous ont vendu l'idée, ah ben c'est juste un confinement pour 2 semaines. 2-3 semaines, exactement. Puis après ça, c'est encore prolongé, puis il y a plus de mesures, puis c'est comme un peu comme un vendeur. Tu sais, il va te dire, ah c'est juste... de moins en moins logique en plus, là. Tu sais, en plein mois de juillet, on s'est mis à porter le masque. C'est complètement illogique et ridicule, là. Alors qu'il n'y en avait plus. Qu'il fait beau, il n'y a plus de virus, on se met à porter des masques. Oui. Puis le pire, le plus tough à supporter là-dedans, c'est que le monde le font. c'est la réaction des gens. C'est spécial de s'en aller, de sentir qu'on s'en va à contre-courant. C'est comme on s'en va sur l'autoroute, puis tout le monde s'en va sur l'autre côté, puis on est là, ben voyons donc, pourtant c'est clair, là, les pancartes l'indiquent très bien que c'est pas ça qu'il faut aller. Non, t'sais. Non, c'est ça, mais la raison pour l'été qui a été donnée par Horacio Arruda, c'est que le masque vise à intégrer, que les gens aient le temps d'intégrer la norme sociale au cas où qu'il y ait une deuxième vague à l'automne, même si le virus circulait pas. Donc, c'était pour donner du temps pour conditionner les gens pendant plusieurs mois d'ici le moment de la saison froide pour qu'ils soient bien endoctrinés à porter le masque à tout moment, là, tu sais. Là, lui, il y a toujours des drôles de raisons, mais ces raisons, les gens l'acceptent, puis « Ah, OK, s'il dit, ça doit être ça. » C'est spécial. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui le croient aveuglément, tu sais. Le même gars, il y a quelques mois, au mois de mars, il déclarait « Non, non, les masques, c'est pas utile, vous allez mettre les mains dans la face, ça va être plus nuisible qu'autre chose. » Ce qui était très vrai, selon moi. Mm-hmm. À ce moment-là, ça l'était vrai. C'est ça. C'est une des rares choses vraies qu'il a dit, cet homme-là, c'est ça. Puis après ça, quelques mois à peine après, non seulement le masque est recommandé, mais il est obligatoire. Puis si la personne ne le porte pas dans un lieu public intérieur ici au Québec, elle s'expose une amende de 1 500 $. Puis le pire, c'est que la plupart des gens le portent beaucoup plus pour la peur de l'amende que la peur du COVID. Exact. Puis même de s'en rendre compte soi-même que oh, moi, c'est plus parce que je veux pas de ticket que j'ai peur du COVID, que je le mets, ça, ils s'arrêtent là. Ils se disent pas, bon, ben dans ce cas-là, crime, peut-être que ça peut-être que c'est pas vraiment intelligent de porter le masque. Non, tu sais, c'est spécial. Ça met vraiment, cette situation-là, là, met vraiment une loupe, même un microscope presque, sur l'humain. Ça révèle des choses incroyables que j'aurais jamais pensé voir puis constater. Puis le pire, c'est qu'en même temps, quand j'y pense, comme je te dis, je suis contente d'avoir découvert le monde supramental d'une couple d'années parce que je pense que là, ça m'aide à voir le réel parce que je dormais moi aussi, là. Tu sais, je dormais dur, dur, dur, dur, dur. C'est tellement réussi, c'est tellement dès l'enfance qu'on est embarqué dans ça. Puis de génération en génération, puis c'est au même, ça commence dans la famille, les parents, tu sais, nos parents nous ont élevés d'une telle façon, on élève Ah d'une telle oui, façon, après ça à l'école, c'est exactement. tellement une réussite parfaite C'est de l'en... de nous C'est programmer, ça. là, c'est C'est de incroyable. l'enculturation. Tu sais, nos ancêtres ont été programmés par la religion catholique. Donc, il y avait un lourd Ouais. conditionnement. Puis de génération en génération, les gens allaient à la messe tous les dimanches. Il fallait qu'il y ait des enfants à chaque année. Croit pas, c'est ça, dans leur cœur, qui croit pas, peu importe, mais le dimanche, il fallait que tes fesses soient assises sur un banc d'église. Puis là, ça Exactement. faisait la job, là. C'est ça, c'est qu'il y a eu des programmations culturelles extrêmement lourdes. Puis là, moi, dans le fond, lorsque je regarde la crise du coronavirus, quand on nous dit que ça s'appuie sur la science, puis là, il y a quelques mois, non, le masque, c'est pas bon, puis après ça, sinon seulement c'est bon, puis on met la pression là-dessus, je trouve que c'est une drôle de science. Fait que là, moi, j'ai l'impression qu'on est plus Ouais. dans la croyance que dans la science. Ben beaucoup, mais moi je te dirais, ce que tu dis là, ça me fait penser dernièrement, à un entretien que tu as eu avec Berthold. Puis tu disais à peu près ça, puis j'ai trouvé ça intelligent, ce que Berthold a dit. Il a dit, c'est effectivement basé sur une science, mais la science, c'est pas la science mettons, des virus, ou c'est la science de l'esprit humain, tout simplement. C'est la science de la manipulation de la conscience humaine. C'est basé sur une science, mais c'est juste que c'est cette science-là sur laquelle c'est basé tout ça, là. Oui, c'est un autre niveau qui nous a amené plutôt que le premier niveau où ce qu'on va dire, ben ça s'appuie-tu sur la science de la virologie qui étudie les virus? Là, c'est peut-être Ouais, plus au c'est ça. niveau d'une science plus subtile de la manipulation de la psyché humaine que se déroulent les Exactement, événements. tu sais, parce que C'est là que j'amène... C'est comme Oui. une sorte d'hypnose Oh, une hypnose de collective, là, masse. carrément, là, On est... en utilisant beaucoup, beaucoup, beaucoup la télévision, les médias, les journaux. T'sais, pis ça dure depuis tellement longtemps c'est infiltré partout, là, dans les médias. C'est pas des médias, c'est de la propagande pure et simple. C'est Oui, purement puis de la propagande, les exactement. médias, là. Vraiment, il n'y a plus aucun journalisme là-dedans. Puis même dans les écoles depuis plusieurs années, mine de rien, ici et là, tu sais, avant le virus, c'était l'environnement, l'écologie. Fait que dans les écoles, c'est l'environnement, l'écologie. Puis comme j'ai jasé un peu par écrit avec Mona, c'est vraiment. C'est toujours, toujours, toujours. Quel sera le prochain? Il y a eu la religion, c'était l'environnement, là c'est le virus, c'est quoi le prochain? On utilise n'importe quoi pour culpabiliser l'être humain, parce que Ouais, pendant que... culpabiliser, un Exact. outil vraiment, vraiment, vraiment, vraiment efficace. On n'est pas dur à culpabiliser, non, on est vraiment facile à culpabiliser Exact. l'être humain, puis à responsabiliser, bien responsabiliser dans le sens de rendre responsable. Ouais, c'est Rendre ça. responsable et culpabiliser, Ouais. puis faire reposer, inventer un problème, puis faire reposer la solution sur nos épaules, alors que dans la réalité, c'est pas sur nos épaules du tout qu'elle est, là, la solution, là. C'est les gens, mettons au niveau de l'environnement, c'est correct, le respect de la terre, pas polluer, tout ça, mais le monde, on dirait qu'ils réussissent à se faire à croire que s'ils n'utilisent plus de paille en plastique pour boire leur slotch l'été, ils peuvent se coucher le soir, puis la terre est sauvée. Tu sais, je veux dire, je pense pas que le fait que je prenne une paille pour boire ma slotch, Oui, ça va vraiment je comprends. tuer la planète, là. Je pense qu'il y a des niveaux de pollution beaucoup plus graves que ça, puis que c'est plus à ça qu'il faut s'attaquer. Puis le reste, un moment donné, on est là, là, tu sais. On est là, puis il y a aussi une manipulation au niveau du degré de pollution de la Terre. Non, non, mais c'est sûr qu'il faut contextualiser les choses. Il joue avec les choses, histoires de réchauffement climatique, la même chose qu'il joue avec les chiffres en ce moment de cas puis de cils. C'est la même manipulation, là, tu sais, c'est... Un politicien peut faire dire n'importe quoi à des chiffres. Je pense que le niveau de pollution, il est un peu comme le COVID, c'est pas si grave que ça, là, tu sais. C'est sûr que... C'est pas... C'est parce que, oui, il peut exister une pollution, tu sais, je veux pas être oui, effectivement, dans le déni, exactement. Même chose par rapport à l'existence du coronavirus. Par contre, effectivement, il y a des gens qui utilisent par cet agenda à des fins personnelles pour s'enrichir. Tu sais, si par exemple, on vend des quotas pour polluer de gaz à effet de serre, d'unités de carbone, ben il y a quelqu'un qui s'enrichit en vendant des droits de polluer à des entreprises. Donc, il y a des gens qui utilisent certaines crises en les amplifiant pour ensuite en tirer profit pour qu'il y ait des retombées de ça. C'est sûr que si, par exemple... Oui, on invente des crises. Ben, c'est sûr que si, on par exemple... On part d'un quelque chose de pas si problématique que ça pour faire semblant que c'est bien dramatique pour ensuite en tirer profit. Là. C'est ça, exactement. Tu sais, il y a une manipulation qui peut être faite. C'est sûr que si le lobby pharmaceutique... dans le fond, s'organise pour embaucher des gens qui vont être des lobbyistes pour faire pression sur le gouvernement pour dire « c'est grave le coronavirus, on a des recherches, on a ci, on a ça ». Puis par la suite, ben c'est pour créer le désir et la demande pour le vaccin, pour que les gens de la population soient à genoux puis attendent le vaccin. Ben eux autres, ils vont faire de l'argent en vendant le puis vaccin comme solution. Le lobbying, il n'y a pas besoin d'être si puissant que ça, puisque les différents membres des gouvernements qui ont des intérêts financiers déjà dans l'industrie pharmaceutique, comprends-tu? Moi, c'est là, là que je pense que c'est de la magouille, c'est pas un pense bien faire, tu sais. Le lobbying, il est pas tant présent puisque François Legault et compagnie ont des intérêts financiers, eux, dans des compagnies pharmaceutiques ou de vaccins ou quoi que ce soit, là. Ils tirent profit, eux autres, de ça, là. Directement, là. Fait que moi, l'innocence chez ces gens-là, je la vois pas, là. C'est sûr que ça peut être différents niveaux aussi, tu sais. Ça peut être, admettons, des gens dans le domaine médical que ça fait des années qu'ils sont exposés à du lobbying sur le vaccin, c'est la solution à tout, tu sais. Tandis que les gens dans le domaine du jeûne, parce que j'avais écouté un très beau documentaire sur le jeûne, puis il parlait des bienfaits. Puis parlait le problème du financement de la recherche parce que ça ne permet pas de retour sur investissement. Si tu démontres que c'est le jeûne trop bon fonctionne. Pour la santé. C'est ça, c'est le bon. Si tu montres que le jeûne fonctionne sur différents types de populations par rapport à différentes problématiques, bien, la personne qui fait cette démonstration-là, elle ne nous vend pas une pilule, elle ne nous vend pas un vaccin, fait qu'elle ne fait pas de retour. Fait que pourquoi investir là-dedans sur un sens. Puis pourtant. C'est ça. Puis pourtant, on aurait pu capitaliser quand même sur la santé. Parce qu'on pourrait partir des centres de jeûne, des formations pour former des gens qui sont bien, bien, bien prêts à accompagner des gens qui sont dans des jeûnes de plus en plus longs. T'sais. On pourrait capitaliser sur la santé aussi. En ce moment, là, on n'entend pas parler de la vitamine D, alors que le peu qu'on entend dire, c'est que les gens ayant une carence en vitamine D ont plus de chances de souffrir plus difficilement du COVID. Bien, on aurait pu capitaliser sur ça, le zinc. Tu sais, il y a moyen de capitaliser sur la santé, il me semble. Bon, en tout cas, faut croire que la maladie, c'est plus payant. Puis le parallèle que je ferais, moi, entre l'environnement puis le COVID par rapport à la petite paille en plastique, c'est comme tu disais, faut pas nier l'existence de l'environnement, la pollution, qu'il y a un problème, effectivement. Comme il y a réellement un virus qui, effectivement, chez des personnes âgées en fin de vie, peut les tuer, mais c'est pas Monique qui porte son masque quand elle va faire son épicerie qui va changer quelque chose pour Gérard qui est en CHSL2 en train de mourir du COVID. Là. C'est faux là, de dire que ça, c'est la solution à ça. Là. Ben, de toute façon, c'est le masque comme solution... pour régler la crise du coronavirus aurait fonctionné, ben, en ce moment, on ne serait pas confiné. Ben, en théorie, ça serait ça, là, tu sais. C'est ça. Il n'y aurait plus de cas, là. Le coronavirus aurait disparu, là. Ça aurait été vraiment la solution miracle, on l'aurait vu, là, tu sais. Exactement. Puis là, ça, il semblerait que ça n'a pas fait d'amélioration puisqu'on est reconfiné. Fait que c'est ça, c'est ça. C'est de la magouille complètement. Puis, tu sais, les... Effectivement, il y a un virus qui peut être virulent pour une certaine proportion de la population. Ces gens-là doivent être protégés, mais ça n'a rien à voir avec les gens qui vont faire leur épicerie. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui travaille dans un restaurant. Ces gens-là ne vont pas au restaurant. Puis si les gens qui travaillent dans les CHSLD vont au restaurant, bien, quand ils arrivent, eux autres prennent des précautions, mettent des masques, tout ça. Puis là, on fait comme nous faire à croire qu'on vise un risque zéro, alors que pour tous les autres virus, dont l'influenza, on n'a jamais visé ça. Là. Exactement. T'sais, c'est comme si on va arrêter le jour où il n'y aura plus une seule personne âgée en fin de vie qui va mourir du COVID. Ben voyons donc, ça se peut juste pas, là. Non, exactement. Ça se peut pas, à moins que le virus disparaisse, là, tout court, là. Ça peut être une possibilité aussi, là. Mais en fait, par rapport à tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de rendre tabou le simple fait d'avoir la grippe. Dans le sens que autrefois, quelqu'un qui toussait, là, c'était pas la fin du monde. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui se promène moindrement sur la rue ou dans un lieu public, puis il tousse, on l'entend tousser. Absolument. Là, les gens peuvent avoir peur, ils peuvent s'éloigner, ils peuvent vivre des réactions d'anxiété. Ah, c'est l'enfer, là. Ouais, puis là, c'est des classes d'école confinées. Exactement. Il y en a un qui tousse. Tant que son test ne sera pas passé, la classe au complet à la maison immédiatement. Puis là, il y en a un petit gars dans cette classe-là que le samedi, il travaille dans une rôtisserie. Samedi, je suis allée travailler, prévient le restaurant, on ferme le restaurant, effectivement. C'est. Quand tu tousses, t'as mieux rester chez vous puis pas le montrer à tout le monde parce que. Ben, ça devient comme honteux. Ça me fait penser. C'est ça. Cet été, j'avais été en voyage avec ma compagne, puis on avait été au restaurant pour profiter du voyage, tu sais. Et puis, à un moment donné, nous autres, on pensait pas à mettre le masque. Puis, dans le fond, j'avais pas mis le masque là, pour me lever de la table pour sortir du restaurant. Puis là, les gens nous regardaient avec des gros yeux. Puis là, j'ai dit, j'ai pas le masque. C'était comme si je faisais une grossière indécence. Là. C'est comme si je me promenais tout nu devant le public. Là. C'était... ça, puis pas suivre les flèches à l'épicerie. C'est bien, bien grave là, de passer dans l'autre sens, dans l'allée, là, puis de croiser les gens. Là. Et Seigneur, que ça, là, c'est... On a l'impression qu'on vient d'en tuer trois là, quand on fait ça, marcher dans l'autre sens des flèches. Là. C'est toute une épreuve. Exactement. C'est... c'est ridicule. C'est ça. Mais à travers ça, il y a une grande quantité d'énergie qui est gaspillée par des êtres humains qui vont vibrer dans plusieurs cas, en fait, inutilement de la peur. Je dis pas qu'il faut pas faire preuve de précaution par rapport à un virus, parce que comme tu le mentionnais tantôt, oui, il y a des gens plus vulnérables, comme des personnes âgées, des gens qui ont des situations de comorbidité. Mais effectivement. Si la personne... Sauf que le fait de pas faire changer un préposé bénéficiaire ou une infirmière, passer d'un CHSLD à un autre, ça serait beaucoup plus logique que de nous faire mettre un masque quand on va à l'épicerie. Puis de nous inonder de purelles partout où on va, c'est de la poudre aux yeux, là. C'est complètement illusoire comme... Exactement, mais c'est une façon de donner l'impression aux gens que c'est à cause d'eux, tu sais, ça augmente. Ou tu sais, il y avait des vidéos de bulletins de nouvelles, puis les points... gens... ouais. Puis je te dirais qu'il y a une autre façon de jeter de la poudre aux yeux aux gens pour qu'ils se laissent faire dans ça. Moi, j'ai un commerce, puis à chaque fois que quelqu'un m'en parle, c'est tout le temps de dire « Ouais, mais vous avez de l'aide. Ouais, mais vous avez de l'aide. Ouais, vous êtes fermé, mais vous avez de l'aide. » Fait que, puis dans le fond, l'aide, là, moi, dans ma situation à moi, admettons, de l'aide pour payer mes employés, j'ai pas d'employés. Fait que ça m'aide pas bien, bien. De l'aide au loyer, ben je suis propriétaire de mon commerce, de ma bâtisse. Donc, j'ai pas ça. Fait que ce que j'ai, c'est des prêts. Un prêt, par-dessus un prêt, dans le fond, on m'endette plus, puis en même temps de m'endetter plus, on m'empêche de gagner de l'argent. Fait qu'en quoi c'est aidant? Là, il n'y en a pas. Fait, mais dans le fond, quand on dit Ça ça à la t'empêche télé, de on faire va lancer faillite à des court programmes, terme. on va lancer des Ouais. programmes. Non, moi, je pense que tout ce que ça va faire en bout de ligne, si on me laisse fermer longtemps, ça va juste faire une plus grosse faillite, finalement. Non, C'est ce exactement, que ça ça va va faire, faire là. juste retarder le C'est ça le moment de la résultat, là, faillite. tu sais. C'est pas magique, là, tu sais. Je veux dire, t'as beau me prêter de l'argent, si je t'emprunte 100 000 piastres, mais que je travaille jamais, tu vas te la remettre quand? Fait que là, quelqu'un d'autre va me dire, regarde, je vais te passer 50 000 pour aider te remettre le 100 000 à David. OK. Là, je dois 150 000, puis je travaille toujours pas. Fait que, tu sais, Non, exactement. c'est de la poudre aux yeux, mais les gens qui, eux, continuent d'avoir, je sais pas moi, soit si t'es retraité, t'as tes chèques, ou si tu travailles dans une place qui n'a pas été touchée, tu fais du télétravail ou peu importe, tu sais, toi, ça change rien dans ta vie, t'as ta paye pareil, ben, tu te déculpabilises qu'il y ait des commerces fermés parce que tu dis, ben non, ils ont de l'aide. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre sorte de poudre aux yeux qu'on jette aux gens pour là, les endormir, pour leur dire, ben, tout va bien. Puis là, on sort l'arc-en-ciel, puis tout va bien aller. Fait que c'est facile. Finalement, je trouve Non, mais c'est de la ça. poudre aux yeux. Ça permet d'acheter du temps. C'est sûr que si on Ouais. parle au Québec, ici, puis au Canada, en fait, avec la CPU, là, la prestation canadienne d'urgence qui est devenue la CPRE, ça a changé Ah, de nom, OK. mais finalement, ça s'échelonne sur un an là, pour les employés là, qui sont privés de travail. Donc, c'est sûr, quelqu'un qui reçoit environ 2 000 $ par mois au Québec, À rien faire à la maison. c'est ça. Fait que c'est sûr qu'à court terme, ça peut être intéressant pour plusieurs. Il y a même, parce que je connais quelqu'un qui travaille dans le secteur, en fait, de l'alimentation. Il travaille pour un supermarché, puis il est obligé d'être augmenté de salaire pour gagner au moins l'équivalent de ça, c'est ça. Bon, c'est ça. Puis là, en plus, on sait que le fait d'avoir du temps, de loisirs, de repos en famille, c'est quelque chose qui a acquis beaucoup de valeur parce qu'on n'en a pas, on en manque depuis des années. On est essoufflé, on est fatigué, on fournit pas. Fait que là, c'est comme une occasion, tu sais. Veux pas, ça fait du bien. T'es chez vous, t'es là, oh, mon Dieu, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de lire un roman, tu sais. Non, exactement. Il y en a qui ont Une pu. autre petite affaire qui aide à comme tu dis, acheter du temps, parce qu'effectivement, on achète du temps présentement. C'est ça. Puis là, moi, ma curiosité, c'est de voir pendant combien de temps le gouvernement va faire ça. Parce qu'à un moment donné, c'est 300 milliards de dettes, 500 milliards. À un moment donné, 1 000 milliards de sa barre. Ben, Je sais pas où est-ce qu'on va se j'imagine rendre. que Oui. si le but, je sais pas, mais si le but, c'est de briser l'économie, ben jusqu'à quand qu'ils vont faire ça? Ben, jusqu'à ce qu'elle soit complètement à tort et qu'il n'y ait plus d'autre option que de recommencer à nouveau à la façon dont eux veulent bien qu'on recommence. Et quelle Exactement. sera cette façon? Là est la question. Oui, ben Elle c'est va-tu ça. être remplie de bien pour l'humanité? J'ai des doutes. Non, exactement, là, ouais. C'est sûr qu'en lien avec ça, beaucoup de gens qui spéculent présentement, tu sais, par rapport à la grande réinitialisation économique mondiale. Parce que c'est sûr qu'il y a le Forum économique mondial qui se réunit à Davos, là, puis il y a des gens là-dedans là, qui dirigent des pays, des scientifiques aussi, puis il y en a qui ont un projet de mettre en place un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire, entre guillemets, un monde meilleur d'avant COVID, c'est ce qu'on va essayer de nous vendre. Puis c'est sûr qu'il peut y avoir des changements économiques importants. Parce que, à quelque part, la plupart des États-nations, à cause de la mise en place de programmes justement sociaux pour compenser les fermetures d'entreprises, les pertes d'emplois, etc., ça coûte une fortune. Puis là, les pays sont tous endettés, puis sur le bord de la difficulté de payer les dettes. Ben, ce qui va arriver, c'est qu'il va probablement avoir une refonte du système économique qui va se faire. Puis là, il y en a qui vont spéculer, ils vont dire, ah, ben là, ça va être une monnaie électronique. Qui va être encrypté, un peu comme le Bitcoin, mais au niveau international. Puis il y a plusieurs spéculations, comme de quoi que on entrerait dans un autre ère. Et c'est sûr que celui qui a le contrôle là-dedans, ça va être le bailleur de fonds. T'sais, c'est le Fonds mondial international qui décide que, par exemple, un pays, pour renflouer ses coffres, on le force à adopter des mesures pour lutter d'une manière assez agressive contre le COVID. Puis ça réduit beaucoup les libertés. Ben, le pays, c'est soit qu'il accepte les mesures, puis il a l'argent, ou il accepte Ou il pas. meurt de faim, Ben, c'est c'est ça que sûr. j'allais dire. Il va devenir un pays en voie de qu'on appelait autrefois en voie de développement. Fait que c'est soit que tu acceptes puis tu fais partie de la game, mais ta population est soumise à des mesures. Puis là, les représentants du peuple, les gouvernements vont dire, ben, on n'a pas le choix, c'est le Fonds mondial international, une faire ça. Si on le fait pas, vous n'avez pas d'argent. Fait que il va avoir tout. Dans le fond, reporter l'autorité à d'autres personnes. Puis, tu sais, un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui fait un prêt pour quelque chose va avoir des garanties. Donc, quelqu'un qui va faire chercher un prêt à la banque, ben, la personne qui demande l'argent peut mettre, admettons, son auto garantie ou différentes choses. Ou comme quelqu'un, par exemple, qui contracte une assurance, ben, l'assureur peut dire, ben, écoute, je suis prêt à t'assurer, mais en autant que tu mettes des giclées dans ton immeuble à bureau pour que, en cas de feu, tu réponds aux standards. Sauf que les standards pour prêter des prêts massifs comme ça, ben ça pourrait être, par exemple, chaque être humain du pays a son identité numérique. Puis on parle Exactement. progressivement au Québec, puis dans d'autres pays, d'implanter ça. Puis ensuite, ben, ça va être la puce sous la peau. Il y a plusieurs standards qui pourraient être mis en place en disant, mais c'est pour votre sécurité. Au cas où vous avez le Exactement. COVID, puis là, il y a le traçage numérique présentement là, qui se fait, alors qu'à peine quelques semaines, on dit non, il n'ira pas de l'avant avec ça, comme le port du masque obligatoire. Exactement. À chaque fois qu'ils disent ça, finalement, c'est pas long Puis que là, finalement c'est oui. c'est ça, puis là, moi, Puis c'est dur, c'est oui, pas je mal t'écoute. dur de pas tendre vers le fait de dire que oui, c'est ça, puisque tout ce qui se passe va vers ça. Fait que c'est un petit peu dur. Puis en plus, plus ça va, moins ils sont subtils, puis plus que le but est avoué ouvertement. T'sais, il y a de moins en moins de. Il y en a un peu. Il y a encore un peu d'utilisation de COVID comme prétexte, mais en même temps, même pas tant que ça. C'est de plus en plus ouvert que de plus en plus. En tout cas, même la censure, ça parle énormément, là. Oui, bon, on a vu ici au Québec Alexis Cossette-Trudel, avec sa chaîne de Radio-Québec, qui était extrêmement populaire, se faire censurer de Facebook et aussi de YouTube. Oui, puis même à notre niveau, à nous, c'est de plus en plus difficile de partager la moindre chose sur Facebook. C'est censuré sur le champ. Il y a toujours un média de, je sais plus comment ils appellent ça, Des un média décrypteurs. de vérification, je sais plus quoi, là. Ben, il y en a qui vont appeler ça des décrypteurs. OK, ah. Fait que, tu sais, même à un petit niveau, à notre, ben, un petit niveau, dans le sens d'un niveau, de gens anonymes, on est de plus en plus censurés. Puis j'ai l'impression que ça aussi, ça va s'en aller vers pire, là. C'est ça. Oui, exactement. C'est ça, c'est qu'il y a la censure de la liberté d'expression à différents niveaux, la réduction des Puis droits et libertés, oui. on dirait même qu'en ce moment, les commerces qui sont ciblés pour être fermés sont ceux où il y a des gens qui sont réunis en plus grand groupe puis qui peuvent je vais dire, se crinquer, dans le sens que tu peux aller chez ta coiffeuse, tu es tout seul avec, là tu parles de ça, c'est tel que tel. Mais dans un bar ou, je sais pas, dans un restaurant, 10 autour d'une table, 10 personnes qui parlent de ça. Puis, tu sais, mettons, une ou deux personnes qui parlent comme toi puis moi en ce moment, avec des gens plus, tu sais, qui croient, mettons, peut-être que tout ça, c'est pour un virus ou quoi que ce soit. On dirait que plus qu'on est de personnes, plus que c'est facile de se craquer comme Ben, les gens peuvent être plus mobilisés avec l'effet du groupe qui les supporte. Puis repartir de là plus habitué par cette nouvelle idée-là, alors que tout ça d'être coiffeuse pendant qu'on se parle, OK, mais après ça, elle, tu t'en vas, elle passe à l'autre client, puis il n'y a pas de, il n'y a pas d'effet de tant que ça, Non, comme on dirait. On exactement. dirait que l'effet est plus grand chez un groupe. Puis là, on dirait que ce qui est ciblé pour être fermé, c'est les places, les bars, les restaurants, les salles de quilles. C'est partout où, Il y a tu sais, des moi, mon commerce, possibilités. Ce qui est intéressant, regarde bien ça, c'est que c'est des lieux où les gens peuvent se réunir en personne et que quand les gens se réunissent en personne, à différence de réunions qui se font sur Internet, que ce soit Zoom ou d'autres logiciels ou par Facebook ou les réseaux sociaux, c'est que tout ce qui est fait en termes de réseautage, tu sais, on peut dire, ah, on fait partie de groupes Facebook, ça a conscience, mais tout ce qui est fait, sur Internet, des messages textos, tout ça, c'est numérique, puis ça peut être archivé. Ce qu'on dit présentement Effectivement. peut être enregistré à distance avec le Patriotic Act depuis 2001 aux États-Unis. Ils ont dit, oh, c'est temporaire, c'est juste pour la crise. Puis finalement, Ah ouais, depuis... c'est, ah oui, temporaire. Oui, à l'origine, c'était Ah temporaire oui, par rapport à la temporaire. menace terroriste suite au 11 septembre. Puis finalement, ça n'a pas été enlevé par la suite, puis ça fait à peu près 19 ans, on est en 2020. Puis ça permet, puis vous faites une recherche sur Wikipédia, croyez-moi pas, c'est marqué noir sur blanc que avec cette loi-là qui a été mise en place aux États-Unis, ils ont le droit d'espionner n'importe qui sur Internet. Ils n'ont pas besoin d'un mandat d'un juge. Ils peuvent intercepter n'importe quelle communication. Fait que là, à des fins de surveillance. Fait que là, tout ce que les gens qui sont isolés chez eux, ils vont clavarder avec du monde sur Facebook, sur Twitter ou peu importe. Tout ça, c'est enregistré. Ensuite, ils discutent avec d'autres personnes sur Facebook, Skype. Ça peut encore être enregistré, c'est numérique. Tandis que deux personnes qui se rencontrent en personne, à part s'il y en a une qui a juste la conversation avec son cellulaire ou un micro, c'est pas enregistré. Donc, les gens qui contrôlent l'information par les moyens de technologie moderne, ils n'ont pas accès à ça. Il y a ça, puis je te dirais qu'en plus, il y a le niveau de l'énergie, tu sais. Jaser sur Internet, sur un groupe, admettons, une Fondation pour la protection des libertés du peuple, c'est tel que tel, aller dans un rassemblement en personne avec ces gens-là, l'énergie qui se dégage du groupe, c'est nourrissant, puis ça donne du courage, puis Ben, ça, ça c'est au donne une niveau, force au puis groupe c'est pour correct faire. aussi, c'est au niveau d'un collectif. Oui, c'est ça, ben c'est Mais moi, parfait, je... mais je pense que c'est Oui. ça qui vise à Oui, briser, c'est tu ça sais. qui vise à briser, C'est exact. ça. C'est-à-dire les groupes sociaux qui iraient à leur opposition. Puis c'est sûr que, clairement, lorsque il y a eu, il y a quelques semaines, là, la loi qui a été mise en place comme de quoi que, là, les manifestations de groupe, là, vous êtes obligés de porter le masque. Alors que des gens allaient manifester contre le port du masque, quand on a vu ce qui s'est passé à Rimouski, où la manifestation était... Dans cette belle petite manifestation, toute C'est pacifique, ça, avec des exactement. familles, des enfants. Exactement. Fait que ça a été, dans le fond, déclaré illégal comme manifestation. Puis ça a mal tourné, tandis que pendant ce temps-là, il y a le statut de McDonald's à Montréal, les policiers regardent ça se faire déboulonner, vandaliser la statue. Ah, c'est Black Lives Matter. C'est sûr que bon, je m'oppose au racisme également, mais il y a comme deux Ben moi, poids, deux mesures. je m'oppose au racisme, mais je m'oppose au vrai racisme. Pas le racisme inventé par des médias et des groupes qui ont intérêt à nous faire croire qu'il y a du racisme là où il y en a pas. Il y en a, mais il n'y en a pas partout où ce qu'on veut nous dire qu'il y en a. C'est ça pourrait être une suggestion, parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont monter ça en épingle, là, certains incidents racistes, pour essayer de généraliser ça, puis dire que c'est du racisme nécessairement systémique, là. Et utiliser. Ça, dans le fond, il y a l'utilisation de la peur dans la vie et de la culpabilisation, puis il y a l'utilisation aussi de la victime, de la victime d'un côté, puis de la colère qui est suscitée. T'sais. La colère aussi peut être utilisée finalement. On suscite la colère, puis on la dirige à certains endroits, dans le fond, pour Oui, détruire, puis. exactement, parce que pendant que les gens sont occupés d'être concentrés sur quelque chose, on peut leur faire une petite vite, puis ils s'en rendent pas compte, là. Exactement. On peut les utiliser, les faire détruire. Puis en plus, ben, c'est une autre émotion de laquelle on peut se nourrir. Ça me fait Il y a la peur, penser, il y a la oui, colère. La exactement. colère. La colère destructrice. Il y a une colère C'est ça, qui c'est pas la peut être colère supramentale. créative. C'est ça, Non, c'est c'est pas la ça. colère Exactement. supramentale qu'on parle, mais ça me faisait penser au message qui avait été envoyé par Alexis Cossette récemment, où il disait à peu près ceci. pendant que les gens, leur attention en France est occupée à penser au professeur qui a été démembré par un islamiste. Décapité, oui. Décapité, exactement. Pendant ce temps-là, les gens ne sont pas occupés de contester le fait qu'en France, dans plusieurs villes, ils connaissent un couvre-feu. Puis ça, ça n'était jamais fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bien, ça, c'est ce que je vous annonce en primeur ce soir, en compagnie de Julie, que c'est possible que ça se rende aussi au Québec. Puis là, les gens vont me dire « Ah non, ça se peut pas », puis blablabla. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé avec le masque? Qu'est-ce qui est arrivé avec le traçage numérique? Donc, Exactement. Puis aujourd'hui, tantôt après-midi, on a su que la semaine prochaine, on nous annoncerait les nouvelles mesures qui, à partir de après le 28 octobre. Fait que ça sera tout ça? Peut-être. Ça semblerait qu'on va nous annoncer des nouvelles mesures. Ah, ils veulent en rajouter encore. Il paraît. Et donc, ça veut dire que on décide avant même de savoir. On ne sait pas hein, après le 28 octobre, ce sera quoi, les cas. On ne le sait pas, mais on va déjà mettre des... Tu sais, c'est spécial, pareil, qu'on est supposé agir en fonction d'un virus, mais on met des mesures sans savoir d'avance. Mais c'est sûr que, bon, si je me fais l'avocat du diable, ils peuvent suivre les tendances. Ouais. Ils peuvent dire, bon, dans les dernières semaines, on a là, eux autres, ils disent, ah, le nombre de cas a augmenté, mais c'est sûr qu'ils testent plus le monde. Fait que c'est sûr que statistiquement parlant, ils risquent d'en trouver plus. Il y a non seulement ça, mais surtout le fait du niveau de sensibilité du test qui si c'est une question de cycle, là, je suis pas capable de l'expliquer. Non, mais grosso modo aussi. Mais on sait que ici. C'est ça. On met la sensibilité à un niveau très, très, très, très, très élevé, ce qui fait que quelqu'un qui tousse pas, qui a zéro symptôme, ben on vous annonce, madame, que vous avez le COVID. Ah oui, puis là, cette dame-là prendrait l'avion, s'en irait en Alberta, ferait un test avec le niveau de sensibilité qu'eux ont déterminé, elle l'aurait pas en Alberta. Mais si elle est un cas, mais en Alberta, elle l'est pas, tu sais. Il y a beaucoup de ça aussi. Non seulement ça, je pense bien que, admettons, moi, on est quatre chez moi. Moi, mon chat, mes enfants. Moi, mettons, je teste positif. Vous êtes combien chez vous? Vous êtes quatre cas positifs. On considère le reste de ma famille positive, même sans test, parce qu'ils ont été, ils sont en contact avec moi qui est un cas positif. C'est ça. Tout est manipulé. Et orchestré dans ce sens-là. Tu sais, ça fait penser au docteur Arruda qui avait déclaré que si quelqu'un meurt dans une résidence, puis l'autre a été testé positif au coronavirus, même si la personne qui meurt n'a pas été testée par rapport au virus, on va l'identifier là, avec le lien épidémiologique comme étant atteint. Exactement. Aussi. Là. On va dire, elle est morte du coronavirus. Juste, c'est ça. C'est tout juste s'ils ne disent pas, il y a deux CHSLD, un à côté de l'autre. Il y a des cas dans lui, on va considérer qu'il y en a dans l'autre parce qu'ils sont pas à proximité. Ça, c'est n'importe quoi, vraiment, au complet, depuis le début. En tout cas, on le sait, puis... On le sait, puis c'est drôle parce que même les gens qui croient que ces mesures-là sont mises en place pour nous protéger d'un virus, même ces faits-là, ça les ébranle pas dans leur croyance que le gouvernement veut leur bien. Bien, la croyance, c'est intéressant d'en faire l'étude parce que à l'origine, ça reste, quand on regarde les croyances, c'est aveugle, là, c'est pas intelligent, là. Je veux dire, la personne n'utilise pas son esprit critique. Autrefois, les gens agissaient aveuglément en fonction de la religion. Oui. Tu sais, si on regarde le phénomène du terrorisme international, là, la personne qui est islamiste radicale, c'est à quoi qu'en se faisant exploser avec une veste remplie de dynamite, une fois qu'elle va être décédée, la personne va avoir 72 vierges qui vont l'attendre au paradis. C'est sûr que c'est tentant. Là. Oui, surtout si c'est un jeune garçon au début de la vingtaine en manque de sexe, là. Donc, avec les hormones dans le tapis, dans le fond, puis c'est drôle, c'est tout le temps des jeunes, souvent garçons qui se font sauter. Je dis ça à ma compagne. Habituellement, c'est pas des personnes de 70 ans, tu sais. Puis pourtant, un vieux monsieur, là, me semble, ça pourrait le tenter, tu sais. 72e. Mais ça, c'est une autre chose. Mais dans le fond, je pense que de vouloir tant que ça, croire à n'importe quoi, Mais c'est parce que c'est malgré plein sécurisant, d'incohérences. Julie. C'est Ben, sécurisant, exactement, la c'est le confort croyance. psychologique. On Exactement. achète un confort psychologique, puis les autorités savent que les gens, c'est dur sortir de sa zone de confort. Tu sais, moi, en ce moment, faire ça avec toi, c'était sortir de ma zone de confort. C'est sortir de ma zone de confort. C'est pas facile. C'est jamais facile. Puis tu sais, c'est juste une petite sortie de zone de confort. C'est quand même pas un. Oui. C'est pas une grosse C'est pas un affaire, mais tu sais, je veux dire, enregistrement la moindre de vent. chose C'est pas. qui nous sort de Ouais, notre. c'est ça. Pardon? J'ai dit, c'est quand même pas un enregistrement devant public avec 500 personnes Non, devant c'est toi, là. exactement, c'est ça. Exactement, l'enjeu n'est pas aussi important que ça. Quoique, ça dépend du point de vue puis de l'importance qu'on accorde finalement au jugement d'autrui, par exemple. Exact. Mais c'est ça, c'est que les gens ont acheté un confort psychologique, puis c'est malheureux parce que oui, c'est difficile sortir d'une zone de confort, mais tellement plus payant, tellement plus enrichissant, tellement plus tout meilleur. C'est dommage, quel dommage. C'est triste, pareil. Puis moi, ce que je trouve triste aussi dans cette situation-là, dans mon commerce, là, je vois des personnes plus âgées, là, puis je suis contente qu'il y en a un qui le dit, là. Il y en a, nous autres, moi, mon chum, on parle beaucoup de notre point de vue dans notre commerce, puis on fait face à beaucoup de gens qui pensent vraiment pas comme nous autres. Ils savent très bien que le masque, on l'a parce qu'on n'a pas le choix. Puis, moi, je trouve ça tellement triste de voir des personnes de 70, 75, 80, 80, même notre plus vieux client, je pense qu'il a 93 ans, gaspiller les dernières années de leur vie comme ça, à être dans la peur, à s'empêcher de faire des choses qu'ils aiment, Mais ça, c'est à ta respirer leur perception. propre C'est air ta perception. Moi, je de comprends ce leur. que tu veux dire, mais c'est ta Ouais, perception, Julie, parce que peut-être qu'en effectivement, réalité, ça c'est peut vrai. être comme utilité d'amener cette personne-là à saturer de l'expérience. Tu sais, Mais quelque. moi, pas. Oui? Ouais, non. Ouais, continue. C'est quoi cette durée de l'expérience? Je ne sais pas c'est quoi. Dans le sens que quelqu'un, là, à force d'avoir peur, là, tu sais, quand que ça fait 2 mois que tu as peur, c'est quelque chose. Mais à un moment donné, 8 mois, peut-être qu'il va y avoir un élan à l'intérieur d'elle qui va dire, ça suffit, là, je peux pas tout le temps vivre dans la peur. Donc, il y en a peut-être qui vont Ben moi, je, s'éveiller dans ouais, mais certains moi, j'ai cas. l'impression que rendu à cet âge-là, la peur physiquement, ça te rachève plus vite, tu sais. Puis en plus, tu sais, je veux dire, si mettons, il te restait 6 mois, peu importe que ça arrive ou pas, admettons qu'il te restait 6 mois ou 2 ans à vivre, tu vas les passer comme ça, tout seul, tu sais, Non, à c'est, moins t'as faire des raison, choses la que tu personne a aimes, moins à de qualité de vie. t'ennuyer, Ouais. tu sais. Puis il y en a même un monsieur qui le. Sa femme était là, oh, puis lui, il a dit. Tu sais, j'ai vu la compréhension, il a dit, c'est une perte de temps, c'est une perte de notre temps, puis son regard, tu sais, il comprenait le monsieur, là, il disait, c'est vrai, là, que ça scrape notre temps, là, qu'il nous reste, là, tu sais, c'est tellement dommage, puis c'est tellement dommage pour nous, les personnes âgées, les ados, notre santé, là, moi, ça, là, c'est le pire du pire, tu sais, je veux dire, faire faillite, avoir moins d'argent, confort matériel, c'est tel que tel, mais ma santé, là, la santé de mes enfants, mon corps, c'est supposé, ça, là, c'est vraiment supposé m'appartenir, là, dans ma tête à moi, là, tu sais. Ma maison, elle peut bien appartenir à la caisse, mais mon corps, il est à moi. Tu sais, C'est ça. puis mes enfants, la santé, hypothéquer la santé de tous ces gens-là, mais quel plan machiavélique, pour vrai, c'est grave. Mais de toute façon, je dis ça comme si c'était nouveau, mais dans le fond, tu sais, depuis combien de temps qu'on s'empoisonne avec ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit, les médicaments puis les vaccins. Fait que, tu sais, je sais pas pourquoi je m'en fais tant que ça. C'est une étape de plus, mais tu sais, c'est pas nouveau, c'est pas récent de là, là qu'on est hypothéqué dans notre santé, puis que la santé est aucunement valorisée, puis qu'on entretient la maladie, qu'on fait le contraire d'entretenir la santé chez les gens, finalement. Ben, c'est sûr qu'il y a des dommages collatéraux là, associés à la gestion de crise. On l'a vu entre autres au printemps avec les personnes âgées, entre autres, qui, dans certains cas, se sont ramassées à mourir seules, sans pouvoir avoir Ouais, le puis ça, c'est contact cruel, là. des C'est proches cruel, là. exactement, là. Il y a beaucoup de gens qui feraient même pas ça à leur chien, là, faire euthanasier leur chien malade, vieux, sans le flatouiller pendant qu'il se fait piquer, là. Et là, c'est des êtres humains, là, qui sont décédés sans revoir une dernière fois leurs proches. On s'entend que mourir, t'as beau être rendu là, c'est toute une étape que t'as pas nécessairement de vivre seul, t'as pas nécessairement le goût de vivre seul. C'est épeurant, c'est grand, C'est c'est ça. spécial. C'est C'est ta dernière très, c'est ça, occasion. c'est très déshumanisant, Très. ce qu'ont vécu les Mais gens qui c'est sont ça le morts au but, on printemps. dirait, c'est de tuer l'humain dans l'humain. Excuse-moi, je parle par-dessus toi, Non, mais non, il n'y a pas c'est de un défaut que souci. j'ai. Fait que c'est ça. C'est tuer l'humain dans l'humain. Je regarde mon fils, il a 15 ans, secondaire 4, il s'en va vers, tu sais, commencer à penser, il y a un choix de carrière, puis. C'est pas très motivant. Comme c'est là, c'est. Tu sais, c'est. Ça tue par en dedans, ça tue l'humain, le taux de suicide, il a explosé. L'anxiété, la dépression, les pilules, c'est grave, là. C'est pas drôle. Puis en même temps, c'est tout ça qu'il faut. Faut-tu y aller? C'est-tu là qu'il faut aller? C'est-tu. Ben, des fois, il y a un effet paradoxal. À un moment donné, si je me trompe pas, Bertolt l'avait déjà dit, ils ont tellement voulu nous endormir qu'ils ont fini par nous éveiller. Donc, c'est comme si, à force de vouloir nous contrôler, finalement, C'est ça. ils vont nous faire réaliser que c'est important la liberté, puis à un moment donné, il va. Exactement. À force de vouloir nous tuer, finalement, ils vont nous Ils peuvent nous donner rendre plus vie forts. Ouais, c'est pour ça. vrai. C'est ça, il y a un adage en anglais qui dit What don't kill you? Dans le fond, te rend plus fort, là. Ce qui peut te rendre plus fort, Ouais, c'est effectivement, ça. mais là, je pense que ça va même faire plus que nous rendre plus forts. Ça va finir par nous faire goûter, peut-être, mais ça ne sera pas dans 2 semaines, ni dans 2 ans, mais effectivement, comme c'est vrai que tu sais, si on fait comme dans nos vies personnelles, chaque drame a tout le temps, tu sais, ça a tout le temps. Souvent, les beaux moments ont été précédés d'une crise, d'une période souffrante, de quelque chose qui s'est brisé, des deuils. C'est souvent de là que naît une plus belle période, puis qu'on est plus heureux, plus riche, t'sais, qu'on grandit. Fait qu'il faut croire que collectivement, on est rendu là, mais c'est plate. C'est plate de le Faut pas vivre, mais en tout croire, cas, Julie, il faut reste à se savoir. croiser. Hein? Pardon? J'ai dit faut pas croire, faut Non, savoir. faut pas croire, effectivement. Mais en tout cas, tu sais, dans le fond, reste à. Ben, reste à espérer. Non, faut pas non plus espérer. Disons, tant mieux si au moins tout ça, le résultat, c'est que c'est le début d'une ère meilleure pour l'humain. Ben, écoute donc, tant mieux. Ça sera au moins ça. C'est dommage, c'est plate, mais c'est ça qui est ça. Puis de toute façon, même à l'échelle individuelle, c'est dommage pour nous autres d'être toujours obligés, en tout cas en début d'évolution, de souffrir pour comprendre les choses, pour apprendre tout ça. Mais à un moment Ouais, donné, c'est on dirait ça. qu'on. À un moment donné, on comprend que ce n'est pas nécessaire la souffrance, qu'on peut y aller directement à apprendre. Là. Mais je pense qu'on n'est pas rendu là en tant que collectivité, puis on ne le sera probablement jamais parce que le collectif, ça c'est le collectif, là. Chacun est à la place qu'il est, puis on ne peut pas tous être à la même place en même temps. Non, c'est ça, mais c'est sûr qu'on vit sur une planète expérimentale. Puis là, Ouais. l'expérimentation présentement, c'est la crise du coronavirus. C'est ça, c'est Donc, vrai, exactement. c'est Puis l'expérience qui c'est. court, là, ouais. Exactement, puis dans le fond, ça l'est justement l'occasion d'apprendre à ne pas croire, finalement. Ça l'est le temps de l'intégrer, le fait que faut pas tu croire, faut que tu saches, tu sais, faut. Oui, exactement, tu sais. Puis dans cette histoire-là, moi, ce que de mon côté, le regard que je porte, c'est qu'à la fois, il y a de la désinformation dans les médias de masse, mais aussi les médias alternatifs, tu sais. Ça, c'est sûr, ben oui, beaucoup. Autant, Exactement. probablement. Fait Ben oui, c'est que, ça. sais, on est dans un temps où la désinformation est partout. Fait que sa personne, ça y prend une capacité de se distancier par rapport à ça pour définir par lui-même avec sa sensibilité qu'est-ce qui est réel, tu sais. Exactement, de se tourner vers elle-même. Mais moi, je dis souvent aux gens, tu sais, pour vrai, moi, mettons, Alexis Cassette-Trudel, je l'écoutais un peu, tu sais, puis... Mm-hmm. Stéphane Blech, je sais qui. J'ai même fait un don à la fondation pour lui permettre d'avoir un fonds financier pour utiliser le système judiciaire. Mais en bout de ligne, tu sais, mais quand je me fais dire, tu sais, le monde pense qu'on a des gourous ou quoi que ce soit, mais moi, je dis, toi, là, toi, connais-tu quelqu'un qui l'a eu? OK. Premièrement, connais-tu quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a eu? OK. Puis là, la personne, comment qu'elle l'a eu? OK. Puis si, mettons, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui en est mort, c'était qui? C'était quoi sa condition? OK. Fait que là, on peut, sans se fier à personne d'autre que sa propre expérience, savoir que ce virus-là, puis avec les chiffres, sachant que les décès sont parfois, tu sais, les diagnostics puis les décès sont beaucoup par association, qu'il n'y a pas d'autopsie. On peut certainement savoir que dans le nombre de morts qu'on nous dit qu'il y a, on doit en retrancher certains qui ont été mis là par erreur, disons. Puis dans ces gens-là, ben on peut constater qu'à 98,9% à peu près, là, c'est un chiffre que moi, je sors, mais que j'évalue à peu près, que c'est des personnes en fin de vie ou très malade ou, tu sais, dont on s'attend à la mort. Oui, exactement. On ne fait pas le saut. Là, c'est on dit ça. Pas, oh mon Dieu, il est mort. C'est pas une surprise. T'sais. C'est comme le Doug Mayhew, à un moment donné, il déclare un CHSLD, là, donc une résidence de personnes âgées, parce qu'il y a des gens qui disaient que c'est un milieu de vie. Ben, de ce que j'ai compris de son intervention, il dit non, c'est un milieu de mort. Autrefois, on appelait ça des mouroirs. C'est-à-dire que les gens-là allaient là pour mourir puis allaient passer 6 mois ou 2 ans. Là. Fait que lâchez-moi tranquille, à quel milieu de vie. Les gens sont sur le bord de mourir quand ils vont là. Fait que là... Mais sais-tu quoi? On a tellement de misère avec la mort, David, là. C'est une peur tellement grande chez les gens. C'est un tabou. Oui, c'est un tabou social. On ne veut pas en parler. Ouais. On veut l'expédier rapidement. Quand il y en a un qui est mort, c'est pouf! 48 heures, pouf, tout est réglé, il est dans dessous de la terre, puis c'est fini. C'est pour ça qu'on a de la misère à nommer le fait que les gens en CHSLD, c'est des gens en fin de vie, mais c'est ça, là. Tu sais, cette crise-là, là, je trouve qu'elle met une loupe là-dessus aussi sur les gens font face à leur peur de la mort. Énormément. Ça fait sortir ça chez les gens. On dirait, des fois, j'ai le goût de dire, « Ouais, mais madame, on dirait que les gens, ils pensent que s'ils ne meurent pas du COVID, ils ne mourront jamais. » Non, ils c'est vont ça. Être corrects. Ils mettent le masque, ils se tiennent loin, puis ils se disent, « Si je ne l'ai pas, cette affaire-là, on dirait, c'est comme s'ils ont une pensée magique, si je ne l'ai pas, m'être ça. » Je serais peut-être pas immortel, mais m'aller chercher 30 c'est ans. Comme un, c'est ça, c'est comme un, comment on appelle ça, un objet rituel. Tu sais, autrefois, le croyant catholique, chrétien, il portait sa croix dans le cou en disant, « Ah, j'ai ma croix dans le cou, je suis protégé, Jésus m'aime. » Tu sais, le masque, c'est un petit peu le rituel de protection. Ensuite, quand c'est ça, tu sais, j'analyse, j'ai tout décomposé ça à un moment donné, puis il y a des gens qui ont fait l'analyse plus détaillée que moi, là, sur Internet, dont Jean Cazot, qui parlait de la foi sanitaire, il a fait un très bel article. Là, il disait, ben le masque, c'est le rituel qui était autrefois, par exemple, la croix du chrétien. Ensuite, lorsqu'on rentre dans un lieu public, les gens vont se laver les mains. Mais c'est un petit peu comme la personne qui rentre à l'église puis qui l'eau va bénite. Prendre l'eau bénite, exactement, pour oui, se purifier. Dans l'église, vous deviez vous purifier de vos péchés, très chère sœur. Effectivement. Soeur. Puis là, il faut se purifier du méchant virus. Puis ensuite, il y a l'excommunion. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas dans le sens de l'église, il peut être expulsé de l'église. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne pensent pas comme les autres, par exemple, dans l'ordre des médecins? Ben la personne peut être exclue de l'ordre des médecins, c'est-à-dire être radiée de l'ordre. Donc, on manipule les gens par la peur, qu'il faut être dans le sens du discours officiel, parce qu'en ça, tu peux être expulsé de l'ordre puis perdre ton permis de pratique de médecin puis une fortune. Autrefois, c'était la même chose avec le croyant. Tu vas dans le sens du discours de l'Église, sinon tu vas être expulsé de la communauté puis tu vas te ramasser tout seul. C'est un petit peu la même manipulation qu'on fait avec les gens en disant « Ah, si tu ne penses pas comme les autres, tu es un conspirationniste, tu n'es pas beau, tu vas être expulsé du troupeau de moutons. » Complètement. Ah, puis il y en a plein d'autres parallèles, je pense, à faire. Je te dirais que oui. le médecin corrompu qui ferme sa boîte, tu sais, qui conseille que tout ça, c'est une farce, mais qui continue de, tu sais, qui joue le jeu, tout ça, il est protégé. Pareil comme dans la religion catholique, un curé qui aurait, mettons, tu sais, il y a eu beaucoup de curés pédophiles, ben, il était protégé, puis, tu sais, il était corrompu, il était... Exactement. C'était su, mais il était protégé. Exactement. Ouais. Ah oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment... c'est vraiment ça. C'est un parallèle, vraiment, c'est la même chose. C'est ça. Puis la foi sanitaire, ben, un peu comme la foi religieuse, c'est de croire aveuglément des choses, comme par exemple... Si un policier donne une contravention à quelqu'un puis il reste devant l'autre à moins de 2 mètres pendant 15 minutes, c'est correct. Mais si quelqu'un, moindrement, dans le restaurant, se lève pour aller aux toilettes, puis ça prendra pas 15 minutes de se rendre à la toilette habituellement, là, les restaurants sont pas tellement grands, là, je veux dire. Ah non, ça, c'est pas correct. Fait que là, il y a des choses qui sont correctes, pas correctes, puis là, tu regardes ça, puis c'est quoi la logique? Ben ouais, tu sais, juste rentrer dans un temps, tu mets du gaz dans ton auto. Le temps que tu rentres, puis aller payer 20 minutes. C'est moins de 15 minutes, habituellement. C'est ça, habituellement, ça prend moins de 15 minutes. Mais si c'est un policier, ah, lui, c'est correct parce qu'il a comme un statut supérieur. C'est comme le prêtre qui peut faire des choses que normalement le simple pécheur ne peut pas faire. Comme, par exemple, le rituel là, où ce que Jésus est incorporé dans l'hostie, vu qu'il est spécial. Ah, si la personne donne la communion, puis c'est un prêtre, hey! C'est incroyable, mais une femme peut pas être prêtre, on sait pas pourquoi. Mais c'est ça, en tout cas, ça pourrait être sujet à discussion, là, mais t'as différentes hiérarchies, puis ce rôle social, puis il y en a qui peuvent faire des choses que les autres peuvent pas faire, puis il y a un peu cette dimension-là arbitraire avec la crise. Très arbitraire, effectivement. C'est ça, puis on dit tout le temps qu'on se réfère à la science, mais les sources officielles qui appuient les décisions qu'a pris Arruda, on les voit jamais. On n'en voit jamais la couleur, les articles, les références. Parce que si laquelle science, on ne le sait pas, mais en tout cas, une science à quelque part. C'est ça. Mais moi, la façon que je vois ça, c'est que la science auxquelles sont soumis nos décideurs, qui est la science de la conscience inconsciente, je pourrais dire la science de l'astral qui les manipule malgré eux, dans certains cas, alors qu'ils ne s'en rendent pas compte, ces gens-là sont le relais d'une mécanique qui les échappe, qui met en place certains blocs, comme par exemple, sans s'en rendre compte présentement, la pression sociale au télétravail participe à l'agenda de la numérisation rapide de la société. Donc, il y a des forces qui ont avantage à ce que l'être humain, tout ce qu'il fait, c'est codifié, parce que à ce moment-là, tout ce que tu dis peut être retenu contre toi, parce que si on a une conversation sur Internet, parce qu'on peut pas se voir en personne, puis se parler à 2 mètres, c'est pas évident, tu sais, il faut parler fort, à ce moment-là, la conversation qu'on a, comme présentement, à travers l'ordinateur, tout ça peut être enregistré, fait que ça donne place à du contrôle numérique, comme le traçage numérique. Ça va peut-être jouer contre nous deux un jour, on sait pas. Ça dépend. Parce que c'est sûr que ça double tranchant en même temps. C'est ça, il faut que je fasse des nuances. Dans le sens que, un peu comme un couteau qui peut servir à mettre de la margarine sur le pain, mais ça peut servir aussi à tuer quelqu'un. Fait que ça dépend de l'usage qu'on en fait. Par contre, malheureusement, l'être humain s'en sert souvent pour les mauvaises raisons. Peu importe l'outil, l'instrument, la nouvelle connaissance, science, c'est malheureusement rarement à bon escient. Bon, depuis tantôt, on parle pas mal de la crise du coronavirus, et puis maintenant, j'aurais le goût de t'amener sur un autre terrain, c'est-à-dire un terrain plus intuitif, où je te poserai des questions, puis tu me dis spontanément, en fonction de qu'est-ce que ça émerge en toi, qu'est-ce que ça te dit. Donc, l'idée, c'est de t'amener à parler avec une spontanéité, donc non pas en fonction de références de choses que tu as vues sur Internet, mais en fonction de... Qu'est-ce que, spontanément, là, ça te dit? Donc, tu t'en l'aise avec le petit exercice? On essaye. Parfait. Bon, ben c'est bien. Donc, qu'est-ce que ça te dit par rapport à l'âme? Par rapport à l'âme. C'est difficile, hein, de pas laisser émerger ce qu'on a entendu vu, appris, ce dont on se souvient. Mais je te dirais que je pense que l'âme, c'est quelque chose qu'il faut, faut commencer à regarder ailleurs que là, un petit peu. Je pense qu'on a trop été tourné vers l'âme, puis que ça le tour a été pas mal fait de ça. L'âme, on dirait que c'est comme ça a comme rapport beaucoup avec notre partie émotive, astralisée. Il y avait quelque chose à vivre avec ça, il y avait de l'expérience à faire avec ça. Là, le tour il est fait, puis il est temps qu'on passe à d'autres choses, je pense. C'est correct, c'est important. C'est une part de nous autres. Hello. Mais c'est plus à l'âme qu'il faut accorder autant d'importance et de d'importance, tout simplement, je pense. Parfait. C'est ce qui me vient. OK, ben c'est correct. L'idée, c'est d'y aller avec l'intuition spontanément pour pas être en mode réflectif. Fait que je veux t'amener en plus dans une dynamique vibratoire. Donc, qu'est-ce que ça te dit intérieurement par rapport à l'esprit? L'esprit, c'est la nouvelle conquête de l'être humain. C'est le nouveau travail à accomplir. C'est la nouvelle étape. C'est le prochain pas sur le chemin de l'évolution. Puis, dans le fond, c'est la destination. C'est la destination depuis le début. Mais il fallait faire le tour de d'autres choses avant. Puis là, on est prêt à essayer de se connecter là-dessus, puis de revenir à soi. Je pense que l'esprit, c'est nous à plus grande échelle, c'est moi à plus grande échelle, c'est moi au-delà du petit rôle que j'ai ici, c'est ce que je suis de plus grand, c'est ce qui est plus près de moi en entier. OK. Qu'est-ce que ça dit intérieurement par rapport à l'ego? L'ego, c'est comme un support nécessaire, un support qui peut être très utile, mais qu'il faut apprendre à travailler avec. Il y a du travail à, il y a un apprentissage à faire pour apprendre à l'utiliser de la meilleure des façons. Pourquoi un apprentissage à faire? Il y a un apprentissage, un apprentissage, pas un apprentissage, plus c'est comme une adaptation, un apprentissage, pareil comme on donne un nouvel outil. Il peut être très utile, sauf que si tu sais pas comment il marche, si tu pratiques pas un peu, si tu t'explores pas un peu, si tu vois pas quel piton sert à quoi, ça ira pas bon au début. Il va peut-être même briser des affaires que que tu vas essayer de travailler avec, puis là, finalement, ça va tout démolir peut-être. Puis là, à un moment donné, tu vas te rendre compte, ah, que je fais ça, je fais ça. Tu apprends à travailler avec, là, il va devenir utile, il va te devenir utile. Ça peut être autant inutile et destructeur qu'utile et créatif, admettons. Donc, à ce moment-là, est-ce que l'ego peut être comparable à un véhicule comme un véhicule automobile? Ben, j'ai l'impression que le l'ego, c'est comme plus le conducteur du véhicule. Je sais pas. Je suis pas sûre de ça. Je sais pas. Je pense pas que c'est un véhicule, non. Je sais pas. Je le vois pas comme un véhicule. Parce que Je le vois tantôt, tu peut-être parlais plus d'un comme. outil qu'il fallait que tu apprennes à utiliser. Fait que là, l'image qui m'est venue en tête, c'est celle d'un véhicule automobile. Mais je pense que c'est peut-être une part du véhicule, mais c'est pas le véhicule. C'est une part, puis je te dirais qu'il y a rapport avec le volant et la direction, ou je sais pas. Peut-être à emmener le véhicule là où il faut qu'il aille. Mais tu sais, c'est pas le conducteur au complet, mais c'est pas non plus le véhicule. C'est une part du véhicule. C'est le volant qu'on tient, peut-être, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais pas. L'ego pour moi, là, c'est le support du rôle qu'on te donne quand tu viens ici. C'est ça qui sert à. Quand tu viens ici, ça te prend un rôle, puis l'ego, il est comme le. Il est comme les grandes lignes du rôle qu'on te donne. T'embarques dedans. Peut-être plus un habit qu'un véhicule. Peut-être plus une espèce de tes vêtements qui pour ton rôle. Moi, je pense que ce serait plus comme ça. Ben, si on parle de rôle, ça me fait penser à masque, voire même mascarade. Donc, Mais c'est une grande pièce de théâtre. oui, C'est exactement. ça aussi qui se passe, là, ouais. Puis là, c'est sûr que là, on est dans la période du bal masqué avec la crise du coronavirus, Ouais. où les gens portent des masques, mais c'est sûr que tôt ou tard, les masques devront tomber lorsqu'on va sortir de la crise. Donc, mais ça, c'est un autre sujet, mais je vais te ramener avec des questions plus de nature impersonnelle. Puis c'est sûr que les gens qui nous écoutaient présentement, vous pouvez faire l'exercice, regarder intuitivement, là, qu'est-ce que ça vous dit par rapport à ces choses-là, les questions que je peux poser, puis regardez qu'est-ce qui émerge. Donc, qu'est-ce que ça dit intérieurement par rapport au phénomène extraterrestre? Je sens que c'est tellement vaste. Qu'est-ce que ça me dit, le phénomène extraterrestre? Ça me dit, il y a une part d'arnaque, entre autres, là-dedans. Même beaucoup d'arnaque, je pense. J'ai presque l'après. Je sais pas. On dirait que. C'est plus d'arnaque que de n'importe quoi d'autre, finalement. Pas dans le sens arnaque au dans le sens que ça n'existe pas, mais dans le sens qu'il nous arnaque beaucoup, je crois. Qu'est-ce que ça dit sur la nature des arnaques qui perpètent par rapport à l'être humain? Une arnaque au niveau de nous faire croire qu'ils sont quelque chose puis que c'est pas ça qu'ils sont, là. C'est pas ça qu'ils sont. Puis, ouais, comme une arnaque au niveau de ce qu'ils sont puis de ce qu'ils font. Ce qu'ils nous disent être puis ce qu'ils nous disent faire, c'est pas ça. Comme, OK, pourtant, donc. qu'est-ce qu'ils nous disent, je sais pas. Je le sais pas, finalement, mais. Ou ce qu'ils nous diront peut-être, qu'il faut pas trop, faut en prendre. Je sais pas, c'est parce qu'on dirait que extraterrestre, c'est comme ça l'englobe beaucoup de choses, puis faut pas mélanger deux phénomènes. Qui est peut-être une part qu'on rentre dans l'extraterrestre puis que c'est pas là qu'elle va. Puis le phénomène vraiment extraterrestre lui-même, ben c'est pas tellement plus évolué que nous autres, finalement. C'est juste différent. Pourquoi que ça te dit qu'ils sont pas plus évolués que nous autres? Parce qu'ils sont un peu ça, ce sont probablement parce qu'on est une race extraterrestre, finalement. Parmi tant d'autres, puis que. Ben, c'est-à-dire qu'on est une race terrestre parce qu'on est sur Oui, la Terre, là. mais on est les extraterrestres de quelqu'un d'autre, finalement, dans le sens qu'on est un peuple habitant une planète ou une dimension ou je sais pas quoi, puis qu'eux autres sont d'autres peuples habitant d'autres planètes ou d'autres dimensions ou d'autres je sais pas quoi. Puis. Le niveau d'évolution est pas tellement, peut-être évolution, peut-être technologique ou quoi que ce soit, mais évolution dans le sens de lumineux, admettons. Je pense pas qu'ils sont tant que ça plus lumineux que nous autres, admettons, là. T'sais, une race plus lumineuse, c'est autre, je sais pas, c'est d'autres choses, c'est un autre niveau, un autre phénomène qui est pas le phénomène extraterrestre, je sais pas. Je sais pas. C'est ça Sinon, arrête là. OK, c'est correct. Sinon, qu'est-ce que ça te dit intérieurement par rapport aux gens qui vivent des expériences en bas âge en relation avec le phénomène extraterrestre? Ça me dit que c'est très, très, très réel. OK. Très réel, puis que c'est pour. C'est très réel, puis c'est pas pour rien qu'ils visent les enfants. Qu'est-ce que Parce que les enfants ça dit par sont, rapport à sont leur réceptifs. motivation? OK, ben c'est sûr que c'est ça que je À vais leur ramener. motivation? Oui. Je te dirais, premièrement, c'est parce que les extraterrestres, je pense pas que je pense qu'il est différent. Ça dépend de quel extraterrestre qu'on parle. Les motivations, il y en a que les motivations sont pas très, très ordinaires, avec peu de soucis pour le résultat chez l'humain. Puis je pense que d'autres, la motivation est bonne, mais au même niveau qu'un ami peut avoir une bonne motivation en te disant telle affaire, mais que le résultat ne sera pas nécessairement bon. Tu sais, peut-être qu'il y a intérêt à se mêler de leurs affaires. Je ne sais pas. Parce que ça peut être intéressant de regarder intérieurement qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la motivation d'être qu'ils vont chercher à entrer en contact avec des enfants, un peu comme par exemple un adulte. Si un adulte va chercher à entrer en contact avec des enfants en bas âge qui ne sont pas ses propres enfants ou les amis de ses enfants, on peut se poser des C'est questions. possiblement parce que c'est plus influençable, c'est plus facile à programmer, à influencer, puis c'est dans un but d'utilisation ultérieure. Ça peut être une possibilité, mais ça peut être intéressant de faire l'étude des motivations que peuvent avoir les extraterrestres qui, dans certains cas, vont exposer des enfants à leur présence. Donc, tu sais, il y a des jeunes enfants qui disent, ah, oh, ça, j'ai, tu sais, ils vont dire, ça m'a parlé dans ma tête, j'ai vu une présence extraterrestre, il y a eu de la télépathie, etc. C'est sûr qu'un des buts, ça peut être certainement de que le choc soit moins grand quand on se reverra. Oh! Peut-être ça le but. Est-ce que c'est possible que à ce moment-là, il y ait certains enfants qui sont sélectionnés par des êtres extraterrestres dans l'optique qu'éventuellement il y ait des retrouvailles entre eux, il y a une liaison dans le fond qui est établie là, sur une longue période de temps? Je pense que oui. Je croirais que oui, puis je croirais même que c'est prévu avant même l'arrivée de l'enfant sur Terre. OK, donc autrement dit, dans la destinée de l'enfant avant de s'incarner sur Terre, il était prévu C'est que... entendu qu'il y aura un contact enfant pour se revoir plus tard. C'est pas. OK. C'est moi. C'est Oui. de l'hypothèse. Non, non, mais c'est sûr que pour les gens qui nous écoutaient, ne croyez pas, là, on regarde qu'est-ce qui Non, peut c'est ça. émerger, là. Exactement, c'est ça. Si tu veux, si tu pas vrai, j'en ai Non, aucune non, c'est idée. ça. Mais quelle pourrait être la fonction évolutive? Que un enfant, par rapport à son développement, sa croissance, qu'il soit exposé à bas âge à des contacts avec des extraterrestres. Évolutive. Peut-être que c'est pas toujours évolutif. Peut-être parfois c'est. Tu sais, l'être humain, il est en évolution. Tu sais, si un extraterrestre apparaît à un humain en évolution, ça va-tu vraiment être évolutif, le résultat? Oui, en fait, j'aurais pu reformuler ma question parce que ma question en suggérant que c'est nécessairement évolutif et biaisé. En fait, j'aurais pu dire quelle est la fonction dans le fond, quelle est en fait, c'est ça l'utilité que ça peut avoir, là, que par exemple des jeunes enfants sont en contact avec des extraterrestres, puis c'est utile à qui, là? Certainement plus à l'extraterrestre qu'à l'enfant. Et puis, Je ne peux pas voir autre chose que ce soit préparatif à quelque chose. OK. C'est une préparation, c'est préparatoire, puis c'est dans le but d'amener l'enfant à faire quelque chose là ou plus tard. C'est dans le but qu'il accomplisse quelque chose, une tâche, un rôle. C'est sûr que ça peut, ou c'est dans un but tout simplement d'observation. Je ne sais pas si au niveau physique, s'il y a des choses qui sont faites au corps de l'enfant, au niveau psychologique, ça peut être dans un but d'observation, tout simplement aussi. Puis un enfant, c'est probablement plus facile à approcher qu'un adulte au niveau du choc psychologique, puis du danger aussi, du danger pour l'extraterrestre, pour l'être qui peut être épeurant et repoussant. Et un enfant, c'est plus c'est sans défense. Qu'est-ce que ça te dit intérieurement sur l'évolution à venir de la relation entre les êtres humains et les extraterrestres? Ça me dit que ils vont s'en mêler dans pas long. Je ne sais pas si on le saura. Ils vont s'en mêler. Ils s'en mêlent probablement déjà un peu à un certain niveau. Mais je sens, je pense, ça me dit que. Ça me dit qu'on est vraiment en train de passer à d'autres choses mondialement. Puis c'est peut-être la préparation au moment où eux autres entrent en scène. Là, je sais pas. Ça me dit que c'est relié. À un certain niveau, c'est relié. Tout ça. Ce qui se passe présentement sur Terre, puis leur entrée en scène, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on le sache ou pas. On dirait que ça semble relié. Ben, est-ce que ça te dit intérieurement qu'il y a un lien entre la crise du coronavirus et le phénomène extraterrestre? Un lien de cause à effet, c'est pas un lien de ça arrive, donc ça a comme résultat qu'eux autres s'en mêlent, là. Parce que ça, c'est comme le coronavirus, c'est comme le début de quelque chose. Qui sera le moment où eux autres devront s'amener. Puis s'en mêler à un certain niveau. OK. Est-ce que ça te dit que ils vont se présenter sur la place publique? Peut-être. Je sais pas si c'est décidé, ça. Je pense que la réponse, c'est peut-être. OK. Puis, qu'est-ce que ça te dit intérieurement par rapport à ce qui va amener la fin de la crise du coronavirus? Quand la crise du coronavirus aura atteint le but, son but. C'est quoi son but? Son but, c'est un changement dans un tournant dans l'évolution humaine. Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi? Ça pourrait ressembler à un changement de race. Mais concrètement, un changement de race, ça peut être vaste, là. Ouais, mais changement de race au sens où Bernard de Montréal en parlait. Cinquième race à la sixième race, là, un nouvel être humain qui émerge de ça, Un un mutant? passage, ouais, une mutation, un passage à autre chose. Mais est-ce que la mutation va être davantage de type biologique, psychique? Ça va être sur quel plan? Tout ça. Tout OK. ça mis ensemble. Très, Intéressant. très beaucoup au niveau psychique, plus au niveau psychique que plus que jamais. Plus que jamais. Quoi qu'il y en ait eu des grands changements psychiques, je pense, mais ils remontent à loin. Ça va en être un majeur, je pense. Puis il est déjà amorcé, il est déjà commencé, puis on le ressent déjà beaucoup. Qu'est-ce que ça te dit intérieurement sur l'impact occulte du coronavirus? Ça me dit que les forces moins belles, moins le fun, sont en train de se faire brasser. Mais qu'on va en baver aussi. C'est un combat, puis ça s'accélère et ça s'accentue parce que le combat fait rage. Et les forces moins belles sont brassées par qui ou par quoi? Par le fait que la vibration de l'être humain vibre de plus en plus haut. Puis l'être humain devient de plus en plus ce qu'il est réellement. OK. Est-ce que ça te dit intérieurement que la crise du coronavirus participe à amener un rehaussement du taux vibratoire humain? Oui. Malheureusement, je dois dire que oui. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils brassent les êtres humains là où ils ont besoin d'être brassés. Exactement. Dans leur faiblesse. Puis ça fait longtemps qu'ils sont brassés à ces niveaux-là. Mais pas assez pour les réveiller. Puis là, ça, c'est pour ça que le réveil est de plus en plus chez de nombreuses personnes. Parce que c'est comme si tu essayes de réveiller quelqu'un en lui disant doucement, réveille-toi, là, tu le brasses, puis finalement, là, on est comme rendu à une chaudière d'eau dans la face ou même une bonne grosse claque. Là, ça réveille. Est-ce que tu es en train de dire que la crise du coronavirus est en train d'engendrer un choc à la civilisation? Oui, beaucoup, un choc, puis je dois. Il y a certainement une utilité à tout ça. On peut certainement rendre utile la situation au niveau collectif, puis c'est ça qui va arriver, mais pas si rapidement et pas facilement. Mais spontanément, oui, ça va être utile. OK. Spontanément, là, qu'est-ce que ça te dit sur la durée de la crise? Est-ce que tu la vois s'étaler en termes de mois, d'années, de décennies? D'années. Des années, puis je dirais une décennie à peu près. Donc environ 10 ans? Maximum 10 ans. Je dirais, dépendamment peut-être des endroits sur la Terre et entre 2 et 3 ans minimum, puis entre 2 et 3 ans et 10 ans, je pense. Puis nous autres, pour moi, ça risque d'être un 5-6 ans, c'est au Québec. 5 ans. 4-5 ans. Qu'est-ce que ça dit sur l'impact de la crise dans la psyché des enfants? Ça me dit pas des belles choses, je pense. J'ai l'impression que tu retiens le mouvement. Oui, je pense que c'est parce que ça m'amène une espèce de tristesse. J'ai l'impression que j'ai peut-être pas envie d'entendre la réponse. Je sais pas. Ah ben c'est intéressant comme phénomène. Parce que là, si tu peux parler des choses que tu veux pas nécessairement entendre, ça t'amène à être plus transparente en tant qu'ego. Répète ça. Si, dans le fond, ça t'amène dans le mouvement vibratoire à parler de choses que tu ne veux pas nécessairement entendre, ça te fait voir que tu n'es pas nécessairement transparente en tant qu'ego ou impersonnel par rapport à l'information. Non, ça c'est sûr. Mais si t'es pas à l'aise d'en parler, il n'y a aucun problème, là. Oui, non, c'est beau, j'explore, ça me dérange pas, j'explore. Ben, premièrement, l'exercice, il est difficile. C'est très difficile de répondre sans y mettre un peu de ses croyances, de ses opinions. Tu sais, ça me dit, mais ça me dit-tu ou je me dis ça? Oui, puis en même temps, c'est délicat, c'est sûr. Parce qu'on peut faire interférence avec nos croyances, nos préjugés, nos peurs, nos doutes, etc. Nos espoirs, c'est ça, exactement, tout ça. C'est ça, il y a le contexte. Nos espoirs ou nos désespoirs. C'est ça, il y a le contexte familial aussi qui peut colorer. C'est sûr que toi, si tu as des enfants, puis je t'amène à parler sur des enfants, ça risque d'être plus impliquant émotivement que si c'est moi qui parle de ça alors que j'ai pas d'enfants. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est sûr, c'est plus facile de parler, de se détacher. De cette façon-là, puis il faut être détaché le plus possible c'est ça, et objectif pour, être objectif pour laisser dans passer la l'information. Exact. Exactement. Fait que je vais t'amener c'est sur ça. Un autre plan qui va être moins émotivant là, que de parler d'enfants vu que tu as des enfants. Mais qu'est-ce que ça te dit sur l'impact de la crise du coronavirus par rapport à la psyché de la collectivité du peuple québécois? Ça me dit que le peuple québécois, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Mais que pour certains, une partie, ça va vraiment être le début, les tout débuts, mais je pense vraiment que c'est un point tournant pour une partie qui va amener un changement éventuel chez tout le peuple. Mais on part de loin, ça part de loin ici au Québec, puis le chemin, il va être long. Mais ça, certainement que ça l'impact la psyché des Québécois, de tout le monde. Ben de tout le monde, non, pas tant que ça. Beaucoup chez les Québécois, parce que les Québécois ici, on y goûte beaucoup, là, vraiment, à ça, là. Mm-hmm. Comme en France, comme en Australie. Fait que c'est sûr que ça l'impacte plus ici que d'autres pays. Aux États-Unis, ils semblent partis pour y échapper quand même, pas si pire à ça. Mais on doit. Les Québécois ont ce qu'ils ont besoin, ont ce qu'ils méritent, pas dans le sens qu'ils sont pas fins, mais dans le sens que c'est ça qu'ils ont besoin pour avancer, bien, c'est ce qu'on leur donne. On peut pas faire autrement que faire la leçon qui doit être apprise, finalement. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça dit de l'impact du coronavirus sur l'Europe avec des pays européens, dont de la francophonie comme la France, la Suisse, la Belgique? Ça me dit qu'eux ont d'autres apprentissages, d'autres leçons à tirer que les Québécois. Ouais, ils ont leur... C'est d'autres choses, eux autres, qui ont besoin de saisir. Peux-tu me donner des exemples? C'est ce que j'essaie de chercher. J'essaie de cerner le eux autres qui ont à aller saisir de tout ça. Je sais pas. On dirait peut-être leur. On dirait que ce qui me vient, c'est leur identité, mais je pourrais pas t'en dire plus. Au niveau de leur identité ou. Ben, c'est sûr que ça peut les amener à se redéfinir sur le plan identitaire. Leur individualité, peut-être. OK. Leur identité, je sais pas. Ouais. Leur identité, mais en tant qu'individu, pas collectivement. Leur identité personnelle, on dirait que les autres ils ont quelque chose à apprendre à ce niveau-là. Mais nous autres aussi, finalement. Ben, en fait, tous les peuples sont des collectifs. Fait que naturellement, les individus qui les composent, éventuellement, ils peuvent avoir à prendre une distanciation sociale. Faut pas dire distanciation physique de l'influence du collectif, tu sais. Ah, crime. Il y a comme un lien là. Hein? Ben, ouais. C'est sûr qu'on peut amener ça sur un autre terrain, tu sais, par exemple, le confinement. Qu'est-ce que ça dit sur la fonction occulte du confinement? Du confinement. Peut-être un lien avec le se faire face à soi-même seul. Faire face à soi-même, à soi, à ce qu'on est, puis à sa propre mort, à la mort de son ego. C'est peut-être l'occasion d'aller chacun chez soi vivre ça. Parce que dans le fond, le contact social nourrit l'ego, l'illusion de l'ego. C'est pas en étant toujours entouré qu'on va accepter la mort. T'sais, C'est difficile d'accepter la mort de l'ego. C'est peut-être un processus qu'il faut vivre seul, un peu comme un chenille dans son cocon. C'est peut-être ça l'utilité. Parfait. Puis pour compléter la discussion, j'ai beaucoup de fait de questions sur le coronavirus, naturellement, qui est le sujet de l'heure depuis plusieurs mois. En terminant, qu'est-ce que ça dit sur les retombées de la crise actuelle? Les retombées à quel niveau? Politique, économique, psychologique, social, tout ça? Par rapport aux différents niveaux, là, globalement, là, si on se met en situation, on regarde la crise comme ça aurait eu cours il y a 100 ans, puis on est dans le futur, loin, avec un recul, on est plus impersonnel par rapport à la crise, comme si on était détaché puis était réglé depuis longtemps. Puis on regardait ça de loin, puis on était des historiens qui regardaient une période passée qu'a connue l'humanité, comme aujourd'hui des gens regardent la crise qui a eu cours là, par rapport au début du siècle, des années 1900, là, je pense que c'était en 1917, la grippe espagnole là, dans ce coin-là. Donc on regarde ça avec un recul historique de plusieurs décennies. Donc si on se met à la place de gens qui vont vivre dans le futur et qui vont Dans regarder la crise. 300 ans, dans 500 Oui, ans, puis exactement, de très loin. Puis on veut y regarder l'impact en termes de retombées. Qu'est-ce que ça dit intérieurement dans la perspective de prendre un recul extrêmement lointain par rapport à la condition présente sur l'impact que ça a eu? je pense que des grandes retombées sur les fondements de tout ce qui fait une société. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de remises en question, mais vraiment sur une longue période parce que le ménage est très, très grand, la refonte est grande, c'est un. C'est sûr qu'au niveau technologique, ça va, je sais pas, une retombée de rendre l'humain un petit peu robotisé, un petit peu robotisé, trop, je ne sais pas, mais robotisé, en tout cas, certainement plus, parce que on l'est déjà quand même pas mal. Ben Une les gens retombée, sont plus retombée. exposés à la technologie que le télétravail, là. Mais je vais te laisser continuer dans ton Partout, mouvement. partout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, c'est sûr. C'est ça qui veut s'installer, puis c'est ça qui va s'installer. De la technologie partout, puis ni pour le mieux, ni pour le pire, juste pour d'autres choses, comme d'autres choses qui peut sembler choquant, puis dans le fond, l'est peut-être pas tant que ça, finalement. Sinon, qu'est-ce Les que... retombées, Oui, c'est ça, moi. les retombées, est-ce que ça dit d'autres choses par rapport aux retombées de la crise du coronavirus COVID-19? On dirait que c'est pas nécessairement tant que ça fixé encore. Les retombées. On dirait que. C'est pas fixé. Le résultat, tout ça, il est pas encore fixé. Je sens ça. Oui, ça C'est ce que c'est ça me dit. oui, ça c'est intéressant parce que ça te parle par rapport à l'état présent. Mais sur le Exactement, terrain que c'est je te ça. pose la question, c'est une mise en scène qu'on fait, puis les gens qui nous écoutent pouvez faire la mise en scène. Imaginez que vous êtes la succession, puis c'est vos arrière-grands-pères et grands-parents qui ont vécu la crise, puis ils vous parlent de ça, puis c'est dans les manuels d'histoire, un peu comme par exemple la grippe espagnole, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Puis dans l'histoire du Québec, il y a un cours qui vous est présenté sur la période de la crise du coronavirus. Ça fait partie des moments historiques importants. Et à ce moment-là, c'est déjà fixé. De regarder ça de loin comme si c'était quelque chose qui a eu cours dans le passé, qui est déjà marqué, puis de voir qu'est-ce qui émerge en soi, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça. Peut-être une société plus ajustée au niveau de la vérité, dans le sens les médias, ce qui est rapporté à l'école, dans les médias, dans l'histoire, les cours d'histoire. Une société plus ajustée à ce niveau-là, puis en même temps très axée sur la technologie, un peu moins, je dirais, humaine, mais peut-être dans le sens de moins émotive un peu, là. Mais non, non, c'est pas ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en passant. Ouais, non, mais j'essaye de mettre le doigt sur ce que j'essaye de percevoir, mais c'est comme un peu plus froid, je dirais. Plus technologique, plus froid, mais. Plus froid, mais je sais pas si j'ai les bons mots. C'est dur, je sais pas. C'est dur à dire. Non, c'est sûr que c'est pas évident, puis c'est le genre d'exercice qu'on fait pas dans la vie de tous les jours, là. Fait que c'est sûr que ça peut ne pas être évident, mais en fait, l'idée, c'est d'être capable de décentrer du rôle de personne impliquée dans la crise pour prendre un recul par rapport à l'événement, pour en faire une lecture différente, plus détachée, un peu comme quelque chose qu'on regarde de loin à vol d'oiseau. Donc, c'était tout simplement ça le but de l'exercice. Donc, je vais compléter comme ça avec toi. Ça fait quand même près de 2 heures de discussion. Oui, le temps Ouais, file. c'est bon. J'ai pas regardé l'heure, fait que je sais pas. C'est ça, le temps file quand même. Et puis, avant de compléter, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, non. Ça fut très agréable. C'est difficile comme exercice, pour vrai. C'est vraiment pas facile d'essayer de chasser le naturel de la pensée réflexive qui nous implique, là. C'est vrai, c'est pas facile, ce C'est ça, c'est recul-là. parce qu'il faut sortir du jeu. Mm. C'est pas évident. C'est tout un. Ah Non, oui. c'est pas évident. Puis, sachant écouter, c'est encore plus difficile. Si j'écoutais un enregistrement que tu ferais avec quelqu'un, puis vous feriez l'exercice, là, je serais chez nous, puis j'aurais l'impression qu'il me vient d'avoir. Mais ça, sachant écouter, ça l'ajoute un petit peu un blocage, puis. Mais il faut pas être perfectionniste, t'sais. Non, non, Faut, c'est sûr, c'est c'est sûr, ça, faut se laisser faut être aller, puis ça donne détaché ce du que ça donne. résultat, exactement. Parce que sans ça, on va être C'est parce qu'en motivé. même temps, Oui. d'évaluer, de s'évaluer Ben, pour c'est ça, c'est savoir parce qu'il faut pas que l'ego c'est-tu ça, se. c'est-tu pas ça? C'est ça, c'est parce qu'il faut pas que l'ego se réfléchisse dans l'exercice. Il faut pas que l'ego cherche à épater, cherche à impressionner, cherche à performer. Non, c'est Fait que ça. c'est ça le défi à travers Exactement. l'exercice. Puis il y a des gens qui vont dire, ah ben tu poses des questions simples. Tantôt j'ai posé comme question, bon c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit, puis des questions de base. Mais de faire l'exercice, pour quelqu'un qui l'a jamais expérimenté, moi-même au début par rapport à ce genre de choses-là, je trouvais ça difficile. Là avec le temps, j'étais un petit peu plus à l'aise. Mais encore là, y a un travail qui peut se faire pour être capable de développer une conscience à un autre niveau que celle réflexive. Parce que le défi, c'est beaucoup, admettons, comme ça, c'est quoi l'angle? Tout de suite me vient des réponses que j'ai lues ou entendues dans des enregistrements, dans des conversations sur Facebook, tu sais. Tout de suite vient des réponses lues, entendues, apprises, retenues. Puis c'est d'essayer de tasser ça, puis d'aller écouter, tu sais, tenir ça à l'écart pour aller écouter ailleurs, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile d'écouter ce qui émerge en soi. Parce que là, si tu dis des choses qui ressemblent à ce que tu as lu, ou là, tu te dis, je suis en train de défiler ce que j'ai lu, entendu, appris, ou c'est, tu sais... C'est tout un... Oui, mais c'est parce que... C'est vraiment tout un exercice. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça se peut que tu aies lu quelque chose qui fait écho au réel que tu portes en toi. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue aussi non plus, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi qui entre en ligne de compte. Oui. Mais le point de l'exercice, c'est tout simplement avoir un éclairage différent sur la réalité que l'état de conscience actuel qui réfléchit, là, tu sais. Exactement. En tout cas, c'est intéressant. C'est pas facile, mais c'est intéressant comme exercice. Donc, tu as trouvé ça intéressant dans le sens que ça t'a stimulé? Oui, exactement. C'est un exercice qui est plaisant à essayer. Exactement. Puis c'est sûr que la mise en garde que je fais aux gens, comme le répétait Bernard, puis il n'arrêtait pas de le répéter, bien, c'est de ne pas croire. Exactement. Qu'est-ce qui est dit? Donc, c'est à regarder aussi quand on parle, lorsque la vibration se place, lorsqu'on hésite, on réfléchit, puis on retrouve le mouvement. C'est intéressant de s'observer, vivre l'exercice aussi. Donc, c'est ça, c'est ce qui va compléter. Écoute, je te remercie encore de l'ouverture d'esprit que tu as fait preuve pour avoir accepté ma proposition. Dans les dernières minutes là, de participer à cet exercice-là de questions qui visait à aller chercher des réponses impersonnelles. Bien, ça m'a fait plaisir, puis merci pour l'expérience de faire une jasette avec toi. C'est ça. C'est le fun. Ça sort de l'ordinaire, puis c'est le fun. Bon, bien, tant mieux. Fait que c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est qu'on a été à différents niveaux. Au début d'enregistrement, je t'ai amené à parler de ton cheminement personnel qui t'a amené à t'intéresser à la conscience. Ensuite, on a parlé de la crise à partir d'informations qu'on a pu entendre sur Internet. Puis après ça, ben, je t'ai amené vers la fin de l'enregistrement d'une manière plus intuitive à parler de la crise, tu vois? Mm-hmm. J'ai hâte de réécouter pour savoir ce que j'ai dit. Ben ça, c'est un autre aspect. Quand on parle d'une manière impersonnelle, puis c'est pas en fonction du mémoriel, ben on a moins tendance à se rappeler ce qu'on dit. Ouais, parce que c'est pas de l'information factuelle, tu sais. Parce que ça fait appel à une autre dimension de nous-mêmes. Ben j'ai hâte d'aller l'écouter, d'aller m'écouter le dire. Ben oui, mais ben c'est une... Je trouve que ça a l'air d'avoir du bon sens ou pas. C'est ça, mais... On verra bien. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, il faut être indulgent envers soi-même. Oui, par rapport à la réécoute de soi. Je le serai. C'est ça, il faut être capable de s'accueillir. Parce que, après tout, dans le fond, par rapport à ça, tu sais, la façon d'amener l'expérience de répondre à des questions, c'est de partir du principe qu'il n'y a pas de vérité ou de mensonge, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a quelque chose qui émerge en soi, puis il peut y avoir un courant vibratoire qui se manifeste, puis c'est de suivre ça. Qu'est-ce qui nous fait monter en vibration dans la parole lorsqu'on répond? Puis, à partir de ça, de communiquer puis suivre le filon. Donc, c'est une approche très différente de qu'est-ce que les jeunes sont conditionnés à l'école, là, tu sais, à mémoriser des informations puis des examens. Puis là, le conditionnement social avec le port du masque obligatoire en classe, le 2 mètres, le lavage de main obsessionnel. On va les conditionner avec du gros mémoriel, là, présentement, là. Ouais. Mais... Je pense que c'est plus facile d'exprimer ce qu'on sait quand on... Ah, non, en tout cas, je sais pas. Quand c'est spontané, tu sais, on parle, comme quand on parlait, mais là, s'arrêter puis se regarder le faire, ça ajoute une difficulté. Oui, parce que dans le fond, on le fait probablement... souvent parler ce qu'on sait, mais on le fait sans se regarder le faire. Fait que se regarder le faire, ça casse la spontanéité. Ben, ça bloque le mais ça bloque le mouvement. Mais à force de le faire, par contre, ça devient de plus en plus facile, comme tu dis. Exactement. Avec le temps, dans le fond. C'est ça. Puis ça peut neutraliser la gêne qu'on peut avoir au début de le faire. Ben, coudonc, je le réessayerai un autre moment. Peut-être que ça sera... Peut-être que ça sera différent. Une deuxième fois. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien parfait. Puis, en terminant, bien, c'est sûr que je remercie les gens qui ont écouté l'enregistrement. Et c'est sûr que je vous salue. Et plus particulièrement, bien, c'est sûr que je remercie en particulier ceux d'entre vous et celles qui me font parvenir des contributions financières pour m'apporter un soutien à mes activités de diffusion web. Donc, c'est des gens qui apprécient ce que je fais et les nombreux enregistrements que je rends disponibles au public. Eh bien, c'est sûr que dès maintenant, vous pouvez me faire parvenir de l'argent via les services de paiement sécurisés d'Interac pour les gens au Canada et PayPal pour l'international. Donc, vous allez avoir mes coordonnées, naturellement, en bas de l'enregistrement audio que vous écoutez. Et là, c'est vrai, je termine. Et remercie, bien entendu, Julie, pour tout le temps que tu as consacré pour ce long entretien que nous avons fait. Ça m'a fait plaisir, puis merci pour l'invitation. Excellent. Donc, à bientôt. Oui, à bientôt. Bye-bye. Bye-bye.